Oh, et merci pour cette semaine de Love in Fun. Merci. On s'est éclaté encore avec vous cette semaine. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, l'équipe? Doc, tu fais quoi, toi? Non, je vais pas te dire parce que ça devient pénible, mais j'ai trop de travail. Et donc il va au Caraïbes, arrête ton cinéma, j'ai vu les billets d'avion. Sans déconner, il va à Saint-Barth. Ouais, c'est vrai, Karima, tu fais quoi, toi? Je pars à Marseille, enfin à Aix-en-Provence. Non, pour animer un concert pour un enfant qui s'appelle Roger. C'est aller sur le site Les Petits Anges de la Vie. Voilà, j'y vais pour lui, c'est très important. Putain, il est cool. Karima. Ah, je suis frappé, j'arrive dans le sud frappé. Oh putain, attention, attention. Attention, Karima débarque à Marseille ce week-end. Moi, j'ai voir mes potes en Bretagne là ce week-end. Je croyais que t'allais à Dunkerque. Qu'est-ce que t'as dit, Mickaël? Je croyais que t'allais à Dunkerque. Non, mais bon, en vrai, toutes les semaines, il nous vend qu'il va à New York et en fait, il va en Bretagne. Le week-end dernier, j'étais vraiment à New York, hein, sans déconner. Oui, là, pas très loin de la radio. J'ai pris une petite photo de la Statue de la Liberté. Oui, c'est celle qui est sur la scène. Pas du tout, mais je retourne vite fait d'ailleurs ce week-end à New York. Je vous le prouverai en postant une nouvelle photo et avec moi et devant la Statue de la Liberté. D'accord. Ouais. On veut des M&M's. Et le journal du jour. Oui, et le New York Times. Non. Il y aura pas mal de couvertures. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Bon, bah nous, on est en week-end, hein, Mickaël. Non. Eh bah si, écoute. Déjà? Bah ouais. J'ai pas vu cette semaine passée. Mais toi aussi, ce soir, t'es en week-end. Ah oui, exactement, mais on revient dimanche. Ah oui, oui. Bon, voilà. Et nous, on va à Prague. C'est vrai? Vous allez faire quoi? On va voir les putes. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un bon week-end aussi. Allez, c'est parti. Entre hommes, nous. Exactement, entre couilles. Le doc vient avec nous. Écoute, il est le bienvenu. On l'emmène avec les Santiago et tout, ça va être la classe. Il viendra avec les capotes. Ça marche. Bon, allez, bon week-end à vous. Bon week-end. À bientôt. Bisous, ciao. Bye. Bonnes vacances. Oui. 23h, 2h. Fuck. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça y est, c'est déjà la dernière de la semaine là. Mais ne vous inquiétez pas, on sera au taquet évidemment comme tous les soirs. Alors je me présente pour ceux qui découvrent l'émission, pardon. Alors moi c'est Mickaël, on est sur Fun Radio évidemment, hein, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et puis le dimanche, on sera de retour bien sûr dès 20h. Alors pour venir délirer avec nous, eh ben n'hésitez pas, vous prenez votre téléphone maintenant. On vous attend au 01 42 48 5000 ou alors au 02 851 4x0. Et vous arriverez ici hein, comme Marvin qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Marvin. Bonsoir, comment ça va Marvin? Ça va, nickel, et vous? Bon, il appelle de Nîmes, Marvin. Voilà, c'est ça, Nîmes. Très bien, bon, ben en pleine forme. Marvin, t'as passé une bonne journée? Ah, nickel, tranquille. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? J'ai coupé du bois. T'as coupé du bois, c'est bien, faut le faire aussi pour préparer l'hiver, hein. Ah c'est sûr, il faut se chauffer. Eh ben tu nous entendras un petit peu là, on mettra dans le studio, tiens, on va faire un fond. On va mettre une petite cheminée dans le studio, oh, ça va être bien. Bien. Attends pour l'hiver comme ça, tu sais quand on mettra sans musique, ça fera. Voilà. On fera l'émission au coin du feu. Exactement, on sera bien. Qu'est-ce que ce sera romantique. Ah oui, ouais. Ah oui, surtout naze, avec alors. Surtout avec quand on va appeler des gens comme ça va être super romantique. Au baltringue côtier, au PD côtier, enculé va. Voilà, bon enfin bref, très sympathique. Oh, alors. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Je veux quoi? Je te crache sur la tête et que tes cheveux de rouquin de merde. Voilà, c'est quand on avait appelé le père d'un auditeur. Le beau-père, pardon, d'un auditeur qui était, ma foi, très sympathique. Bon, Marvin, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Ah, ben en fait, j'ai un petit problème. Enfin, c'est pas un problème, mais bon, il y a une gonzesse, enfin, une prof, ma prof. Ouais. Elle me fait un peu des avances. Très bien. C'est pas un problème ça. Ouais, c'est plutôt cool. Enfin, ça dépend de la gueule de la meuf aussi. Hein. Ça dépend de la gueule de la prof. Écoute, on va en parler dans quelques minutes. Et en parlant de rencard, justement, il y a Sandro là. Est-ce qu'elle est prête pour son date ce week-end? Ah, je sais pas ce que je vais mettre. Elle sait pas parce que forcément, elle a pris un peu de poids, donc ça rentre plus. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, je rentre plus. Je rigole pas. Non, mais je tourne avec 3 frocs. Je pensais que j'avais pris 5 kilos, mais en fait, j'en ai pris 7. Ouais. Ah oui, bah oui. Oui. Ah, je suis mal. Bah oui, là oui. En plus, elle a un date demain. Donc on sait qu'elle ne couchera pas. Hein, parce non, samedi. Hein. Ah bah non, je suis trop grosse, ça, je peux pas. Dans le noir. Non, même, je te jure, même au toucher, tu sens que 7 kilos, ça se voit. Non, mais bon. C'est bien, ça fera la fille qui couche pas le premier soir. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, s'il écoute la radio, c'est simplement parce qu'elle se sent grosse. Ouais, ni le deuxième soir, ni le troisième, ni le quatrième. En fait, le mec, il va se barrer tellement il aura attendu. Exactement. Bon, et puis avec Toff et Polo, là, on part à Prague ce week-end. On part un petit week-end entre couilles. Et donc, on va mettre des photos sur le Facebook, sur l'Instagram et le Twitter, évidemment, pour vous faire vivre le voyage. Toff, tu viens pas avec tes nouveaux amis? Bah, j'ai peur qu'ils soient un peu encombrants là-bas. Ah bon? Je pue de vous. Oh, ils étaient tellement sympathiques. Je vous emmerde. Voilà, je me dis que pour draguer des meufs, c'est pas pratique. Ah, ça va être. Bon, en même temps, tu parles la langue locale. Non, c'est vrai. Tu fais chier que cette espèce de con. En même temps, tu dis ça, je pense que tout le monde te comprend. Mais hein. Je pense que le français est quand même compris, tu vois, même un tout petit peu. Ah, d'accord. Bon, très bien. Écoute, on verra bien. Mais en tout cas, Paolo, lui, vient avec le pipeau. Hein. Paolo. On sait jamais. Oui, Paolo, parce que je suis espagnol. Exactement. Ah, voilà. Je m'entraîne parce que je peux parler et en même temps je peux faire du pipeau. Exactement, c'est un entraînement. Dédicacé à Clem là, qui insiste. À Clem, pour, d'accord. Ouais, qui était dans le. Sur le Twitter arrière. Et sur le standard hier, effectivement. Voilà. Et puis n'oubliez pas également les Twitters addicts ce soir qui sont déjà au taquet, hein, comme tous les soirs, si vous voulez les rejoindre pour essayer d'être dans le top tweetos du soir, justement, il vous suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Emikael et à la fin de l'émission, eh ben, on donnera le top 5 des plus actifs. Donc soyez au taquet pour commenter l'émission. Hashtag Emikael sur le Twitter, bien entendu. On va se mettre aussi du son ce soir. Eh oui, que je n'ai pas préparé. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Oui, je vais oublier. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je dois dire que j'avais tellement rien à foutre à un moment que j'ai complètement zappé en fait. Bon, on aura Calvin Harris. T'aimes bien ça, Calvin Harris, Marvin ? Allô ? Allô ? Il va me le faire à chaque fois que je parle. Oui, Calvin Harris, t'aimes bien ou pas? Franchement, j'adore. Oh, franchement, tu adores, c'est parfait. Il y aura Britney Spears aussi, tiens. Alors, est-ce que ce sera Britney Spears en remix avec Mickaël et donc le Work Bitch Motherfucker ou la version normale? Je ne sais pas encore. Et puis, on écoutera aussi le son de Jason Derulo, la Dirty Talk. Ah, et ce sera évidemment avant minuit sur Fun Radio. Et si vous avez des sons à proposer, bah, n'hésitez pas. Vous envoyez vos messages avec le hashtag Emikael sur le Twitter et le Facebook également, facebook.com. Vous nous rejoignez et vous tapez M-I-K-L officiel. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est jeudi. On fera également le canular du jeudi ce soir. Hein. Donc, si vous voulez faire un canular, si vous voulez piéger un copain, une copine, vos parents, etc., etc., j'ai PC portable ou caméra numérique à vous offrir. Et puis, bah, là, on va accueillir notre ami Marvin. Donc, hein, Marvin, donc. Alors, toi, tu nous avais appelé parce que ta prof est en kiff sur toi, c'est ça? Voilà, ou alors, c'est ce que t'aimerais bien te... Excusez-moi. Est-ce que tu t'en persuades? Ah, c'est sûr certain. C'est sûr certain que qu'elle est en kiff sur toi? Sûr certain. Mais genre, elle fait quoi? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait pour être en kiff sur toi? Ou en tout cas, pour que tu le crois? Bah, déjà, ça a commencé en cours, par des petits regards, tout ça. Elle me disait de venir à la fin du cours pour les... Ouais, pour te mettre en colle, exactement, parce que t'avais fait de la merde. Non, c'est pas pour me mettre en colle, c'est parce qu'elle veut que je lui mette un carreau sur la table. C'est ça, ouais. Bon, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, techniquement, vraiment? Vraiment, eh ben, ouais. Déjà, elle m'a dit de venir à la fin du cours, et après, ouais. Elle commence à me parler, elle me dit, est-ce que tu vas aller boire un verre à la sortie du cours, tout ça, voilà. Ah ouais. C'est vraiment sûr. Quel âge est-elle? Elle a 32 ans. Ah oui, ça va. Ah oui, c'est parfait, Marvin, c'est top, putain, t'as de la chance, toi. 19, 32, c'est bien. C'est bizarre. Franchement, en plus, elle est bien, mais le problème, c'est que j'ai une copine, donc... Ah ouais, oui. Mais oui, c'est oui, genre fou, oui. Pour se taper un prof, les copines, ça compte pas. Mais non. Bon, on va en parler. Est-ce que vous êtes déjà... Non, ça, c'était le rêve de Toff, hein, la prof de maths. Ouais, par contre, j'avais la prof de français que j'aurais pu me taper, mais elle était dégueulasse. Bah ouais, mais en même temps, qui se ressemble, ça semble, Toff, hein. Ah non, mais elle était horrible, elle était grosse et tout. Bah oui, mais tu peux pas non plus... Moi je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui s'est tapé un prof. Ah bon, qui? Je sais pas trop. Tu lui tapes un prof? Mais ça va pas. Bah si, il était en train de te regarder, de regarder vers toi. Tu t'es tapé un prof? Non. Si, vas-y, balance. Allez, balance là. Si, vas-y, balance. On veut des noms, on veut des noms. Au moins le cours. On veut des primes. Quel prof, quel cours? Non, je me suis pas tapé. Non, mais en roulage de patin. Mais non, pas du tout. Tripotage. Un doigt, ça compte. T'as déconné, toi. Qui a fait ça? Pénétration ou pas? Mais pas du tout, y'a rien du tout, y'a rien eu. Non mais quel prof? Mais non, mais je le trouve mignon, voilà. Ne nous oblige pas de passer. Ton prof de danse? Non. Bah je vois que ça, hein. Non, pas du tout. Non. Prof de qui? Vas-y, accouche. Bah un prof Donc y'a quand même eu un truc, hein. Rassurez-vous, nous allons enquêter d'ici quelques minutes. Bon, Marvin, reste avec nous. Les autres, bah c'est marrant, ça dit il écoute en plus. Bah ouais, bah voilà, comme ça c'est fait. C'est bon ça. Parfait. Eh, Marvin. Oui. Eh, Sandro, sors du coin, t'es pas puni, hein, c'est pas grave. Eh, bon, Marvin, c'est marrant que tu me parles justement de ça, parce que tout à l'heure dans le bureau, on a lu un article qui disait que justement une Française sur deux avait déjà fantasmé sur un de ses collègues. Alors ça va pas pareil en l'occurrence, hein. Donc est-ce que c'est le cas chez vous justement? Est-ce que vous avez déjà fantasmé sur quelqu'un qui avec qui vous êtes au bahut ou avec qui vous avez travaillé? Ici, moi je fantasme grave, hein. Ouais, bah, oui. De la meuf la passer à droite à gauche, ça. Moi je fantasme grave sur Polo. Ah ouais, et c'est vrai, mais bon, malheureusement c'est un sens unique, ouais. Bon, si vous voulez C'est ça que j'aime bien avec lui. Ouais, c'est ça. Si vous avez déjà fantasmé sur un prof, une prof, si vous avez déjà fantasmé sur un, je sais pas moi, un collègue par exemple, et eh bien venez nous en parler. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et puis on va accueillir maintenant Romain qui est avec nous. Salut Romain. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Très bien, et toi? Bon, salut. Très bien Romain. Attention, tu vas faire péter la colle pour gagner le PC portable ou alors la caméra numérique. Romain, vas-y, on t'écoute. Romain. On me prend sans me toucher. Oui, c'est tout? C'est tout. Ouais, moi ça m'arrive avec plein de meufs. Hein. Ouais, c'est ça. On me prend sans me, sans me toucher, qui suis-je? C'est ça? C'est ça. Bon, d'accord, ok, voilà. Très bien. Bon, bah, si vous avez une idée, les gars, allez-y. Hein, vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L, espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Bon, bah, bonne chance, Romain. Je rappelle que on donnera la réponse avant minuit 30 et que si quelqu'un trouve la bonne réponse, c'est lui qui gagne. Et si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Romain. Moi qui gagne. Exactement. À tout à l'heure, Romain. À tout à l'heure. Allez, on me prend sans me toucher. Qui suis-je? Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est aussi simple que ça. Et nous allons également dire bonjour à Fred qui est avec nous, qui dit merci d'être là au Québec. Il n'y a personne qui vous écoute. Vous êtes imbattable. Vive Fun Radio. Bah merci Fred de Québec. Il y a Lilo qui dit je fantasmais sur mon prof de sport. Hein. Putain d'Apollon. J'en bave encore. Et il y a Scromi aussi qui dit follow moi par devant, s'il te plaît. Oui, je rappelle également que si vous venez me faire un follow sur le Twitter de l'émission en tapant Mickaël underscore officiel, je vous follow par derrière pour les filles. Et puis pour les mecs, c'est une petite poignée de main normale, bien entendu. Hugo qui était le meilleur, merci Hugo. Céline qui dit le prof qui kiffe un élève. Bah oui, c'est le cas avec, évidemment, justement avec Marvin, on va en parler dans quelques minutes. Et Thibaut qui dit ressort le lance-roquette pour moi, s'il te plaît. Et un message de bienvenue, espèce de petit PD de merde. Va, j'aime celui-là. Bon, alors, le lance-roquette, non, c'était le bazooka. Voilà, et alors, la cible a été détruite. Bah ouais, exactement. Alors j'ai retrouvé, t'as de la chance. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, petit message de bienvenue. Si vous en voulez, n'hésitez pas. Il y a Léa qui dit j'ai trouvé mignon mon prof de sport en terminale. Océane aussi qui dit je vous adore, je suis tout le temps, je vous suis, pardon, tout le temps mort de rire le soir. Et puis Comfortably Numb qui dit je commence à 10h donc je peux écouter Mickaël ce soir, ça me rappelle le bon vieux temps. Eh bah écoute, sois le bienvenu en tout cas. Et tous les autres, allez-y, rejoignez-nous. J'ai mis la tête de. Une tête de toff. Alors j'ai mis un petit chat, donc c'est pas sa tête. Hein. Un petit chaton qui dit I'm Tiger, un peu comme Toff, tu vois, c'est-à-dire qu'il est toujours, c'est genre c'est le tigre, et puis dès qu'on grogne, hop, il va se planquer dans les jupes de sa mère. Ouais. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Allez, bougez pas de là, Marvin, on te récupère dans quelques minutes, et puis on va se faire donc le canular ce soir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas aussi. Vous êtes les bienvenus. Et puis le son Dance Floor de Fun, on va vous l'envoyer dans quelques minutes. Et ben je vous l'avais promis, on va se le mettre. Le son de Calvin Harris. Calvin Harris avec Thinking About You, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun. Il est 23h12, on est en direct jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France et la Paris Games Week. Et il va arrêter lui là directement là. Donc je disais que la Paris Games Week, donc ce sera évidemment le 29 octobre et on sera d'ailleurs en direct de la Paris Games Week. Donc si vous voulez venir nous voir, évidemment vous serez les bienvenus. On aura des places à vous offrir et vous allez pouvoir aussi d'ailleurs venir tester en exclu total la PlayStation 4 et la Xbox One. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah si vous voulez également repartir avec votre console au choix, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et bien rencard sur le site de Fun, funradio.fr, pour voter pour le jeu vidéo de l'année. Voilà, quel était pour vous le jeu vidéo de l'année? Par exemple FIFA 13, hein, si vous voulez, PES, bref, n'importe quel, vous votez pour celui que vous voulez, vous choisirez votre console au choix si vous êtes tiré au sort pour repartir avec votre console. Voilà, pour la Paris Games Week, on aura d'ailleurs l'occasion de remettre le trophée du meilleur jeu vidéo. Ce sera en direct donc de la Paris Games Week. En tout cas, pour voter, funradio.fr, une seule adresse, allez-y, nombreux et nombreuses, prévenez vos potes également, bien entendu. Il est 23h15 sur Fun Radio. On va récupérer dans un instant Marvin et Sébastien également qui étaient en kiff sur leur prof a priori. Et puis bah, je voudrais avoir l'avis des filles également. Les filles et les mecs d'ailleurs, appelez-nous 01 42 48 5000 pour savoir si vous êtes déjà tombé en kiff sur je ne sais pas moi, votre collègue par exemple, collègue ou prof. Bref, venez nous en parler, on en parle après. Calvin Harris, Thinking About You sur Fun. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment avec Mathieu Kilich qui votre émission. Il y a moyen d'avoir un coup de lance-flamme. Bah, écoute, avec plaisir. Tiens, dans ta sale gueule. Voilà. Puisque tu demandes, tu l'as. Et puis Youssef qui dit wesh l'équipe de malade. Merci Youssef et bienvenue à toi. Le prince est là qui dit qu'une qui n'a pas eu un coup de cœur pour un prof. Moi j'avais 17 ans et attends c'est quoi? Et il est trop beau, c'était l'homme de ma vie. Ah bah oui mais qu'est-ce que tu veux. Fabienne qui dit les insultes sur Twitter, c'est comme les numéros masqués, elles peuvent être démasquées. Ah bah oui. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Exactement, on l'a appris il y a pas longtemps. Et Maxime qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, vous êtes géniaux. Oui, message de bienvenue. Alors attends une seconde, le message de bienvenue, toi je vais t'en mettre. Oh, je vais te mettre un des nouveaux messages de bienvenue. Tiens. Attends une seconde, tu as été un pas frais. Mal. Ah oui, un tout frais. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Voilà, voilà, c'est parfait. Et puis il y a Jen aussi qui dit, j'ai eu un prof de français qui matait les fesses des décolletés des élèves, mais limite le nez dedans quand on l'appelait. Et puis Jérémy qui dit, vous gérez trop l'équipe, je suis tout le temps sur Fun Radio, je vous adore. Merci Jérémy. Et puis bah, continue à rester là surtout. Et on va récupérer Marvin maintenant là. Marvin, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Très bien, avec donc ton prof qui te kiffe apparemment. Elle ressemble à quoi ta prof? Ben, elle est blonde. Ouais. 1m70. Ouais. Franchement, elle est mince. Elle a tout pour elle. Ah ouais, elle a tout pour elle. Bon, très bien. Et franchement, moi, j'adore. Bon, elle est mieux laquelle, la prof ou ta meuf? Ah, la prof, quand même. Eh ben, vas-y, alors. Oh là là. Bon, attends. Ah, mais c'est ce que je vais faire. Mais oui. Sur son bureau, mec. Mais oui, mais oui. Alors, attends, il y a Sébastien également qui est avec nous de Perpignan, là. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Comment vas-tu? Salut. Bon, ça va, ça va. Bon, ben, bienvenue à toi, Sébastien. Alors, toi, tu voulais réagir aussi, toi, par rapport à la au prof ou par rapport aux collègues? Bah, à la patronne. Ah, c'est la patronne, toi, carrément? Ah. Ah, tu t'es mis bien, mon salaud. Ouais, mais après, je me suis tapé la patronne. Ben, au début, je savais pas, quoi. C'est elle qui m'a fait du rond dedans. Et 2 ans, on a resté 2 ans comme ça, mais après, quand j'ai dit qu'on a arrêté... Attends, t'es resté 2 ans avec ta patronne qui se faisait du rentre dedans? Ouais, bah 2 ans sans que je m'en aperçois, quoi. Je pensais pas, quoi. D'accord, ouais. Et après, on a couché ensemble, voilà. Quoi, ouais, là, tu t'en es pas aperçu non plus? Non. Ah, mais je savais pas, pardon, qui s'est passé, je comprends pas. Mais à chaque fois qu'on partait en déplacement, elle me demandait de partir avec eux. D'accord, toi tu te dis, oh bah les gentils c'est pour faire des économies dans les coûts de transport. Voilà. Mais après qu'on a pris le C'est-à-dire que même moi qui suis une brêle avec les meufs et qui en général ne vois pas des espèces de signaux gros comme des 747, je l'aurais vu quand même, hein, il y a un moment sur mais, 2 ans. Comment là, j'étais fidèle, quoi. J'avais une copine, quoi. De quoi? J'étais fidèle, j'avais une copine. Ouais, non mais j'ai pas dit que tu devais coucher avec elle, mais tu aurais pu t'en rendre compte. Bah, au début, je faisais pas gaffe parce qu'elle faisait ça à tous les gars, quoi. Attends, parce qu'il faut que tu t'achètes un téléphone, Sébastien, à l'occasion, hein. Ouais. Ah, parce que là, ça, le son n'est pas terrible. Non, on comprend pas tout ce début, que tu me dis. Au début, je pensais qu'elle le faisait à tous les gars, quoi. Moi, je pensais qu'elle faisait ça en rigolant, quoi. Et tu t'en es rendu compte comment? Bah, c'est quand on a pris la chambre d'hôtel, elle a dit, bah, toi, tu viendras à l'autre hôtel, et puis elle était à l'autre hôtel, et puis après, voilà, quoi, ça s'est fait là. Ah, donc tu l'as quand même, donc tu vois tout ce cinéma, ouais, moi j'étais fidèle, etc. Finalement, tu l'as quand même pécho. Bah, ouais. Voilà, pécho, ouais, mais il y a eu un problème parce que pécho, oui, j'ai pécho, ouais. Mais j'avais une copine, mais la copine, je savais pas que c'était sa fille. Non, mais t'es sérieux là ou tu te fous de nous? Non, je vois pas de vous. Après... Et la belle-mère, attends, parce que et ta patronne, elle est au courant que tu sortais avec sa fille? Bah non, parce que je connaissais pas les parents au début. Mais quelle est la... Bah joue au loto, mec, hein, parce que là, la probabilité de tomber sur une histoire comme celle-là, t'as plus de chances de gagner l'auto, je crois. Hein. Et surtout la probabilité de faire autant de fautes d'orthographe dans une phrase. Ouais, enfin, de français plutôt. Donc, mais bon, ouais, après, ça, c'est un autre détail. Mais ouais. Et dis donc, Seb. Oui. Ah, et donc c'est l'autre qui fout de la charité alors qu'il a fait une faute grosse comme une maison sur son Facebook tout à l'heure là. C'était fait exprès. Bah arrête au cinéma. Je me fous là. Pas de la charité, il a fait monsieur. Quoi comme faute? Mais il non, a mis je sais plus E accent S à la place de EZ. Et c'était fait exprès. Mais oui. C'était même. Bah oui. Et alors? Oh là là là là là là. Bon bref, et donc Sébastien, comment ça s'est terminé? Bah après c'est quand la fille m'a présenté à ses parents, c'est là que j'ai vu que c'était la mère, quoi. Mais je me suis trouvé tout con, quoi. Ah oui, là pour le coup, on peut dire ça, t'as été vraiment très très con. Attends, il y a Sandra aussi qui est avec nous. Je suis marié avec la fille, quoi, l'enfant. Attends, je n'entends rien, Seb. Qu'est-ce que t'as comme téléphone? Bah, c'est mon fixe. Ah oui, bah change-le, hein. Joue pas avec le fil quand tu parles, sinon. Ouais, oui, c'est peut-être un problème du fil, c'est possible, ouais. Bon, Sandra est avec nous maintenant, là, 16 ans de Montreux, dans le Seine-et-Marne. Salut, Sandra. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça fait longtemps que je vous écoute. C'est vrai, bah écoute, tu vois, c'est la bienvenue, t'as bien fait d'appeler Sandra. Est-ce que je peux faire Non. Bon, Sandra, alors, oui. Toi tu voulais réagir aussi, ton kiff aussi sur un pote, un non. Collègue, un prof, un qui? Non, c'est une pote à moi. Ouais. elle était en kiff sur un prof en troisième. D'accord. Et pour se faire remarquer, elle enlevait ses boutons de ses chemises alors qu'elle était au premier rang. D'accord, ok, ouais. Et donc, le prof, il l'avait pas calculé et tout ça. Et au bout d'un moment, il l'a su et il lui a dit que voilà, ça marcherait pas. En plus, c'est une élève. Du coup. Oui, forcément, mais lui, il a bien fait. C'est juste bizarre, Marvin, que ta prof, toi, elle soit prête à risquer son taf juste pour un mec, quoi. Moi, je sais pas, hein, mais bon. Je vous dis ce qu'elle m'a dit. J'ai compris, mais ça me paraissait quand même assez improbable. Mais bon, attends une seconde, il y a Camille aussi qui est avec nous, là, de Paris. Salut, Camille. Salut. Comment ça va? Ça va nickel, merci. Bon, bienvenue à toi Camille. Alors, merci. Toi, comment ça se passe? C'est quoi l'histoire? Toi, c'est aussi comme le sondage, là, on a vu qu'il y avait deux meufs. Attends, c'était quoi? C'était deux meufs. Non, une Française sur deux, carrément, qui avait déjà fantasmé sur un de ses collègues. Ouais. Alors, et toi, c'est quoi? Moi, c'est sur une prof. Ah ah. Un prof, une prof. D'accord. Donc, c'était ma prof de physique et ouais. Je sais pas. C'est arrivé comme ça, elle est belle et tout, donc bon. Mais ça s'est vraiment fait, ça s'est fait ou ça s'est pas fait? Ah bah non, quand même, Je sais pas. Non mais justement, tu vois, après on sait jamais. Non, ça s'est pas fait, et mais pourquoi bon, ça s'est pas fait? Parce que, voilà, quoi, à la base je suis pas attirée non plus par les filles, mais je sais pas, c'était spécial, quoi. D'accord, ok, non mais venez nous dire, hein, si jamais il y a des trucs qui se sont faits, comment ça s'est passé justement? Et Sébastien, toi aujourd'hui, t'es plus avec la fille ni la mère? Bah tu sais, je suis avec la fille, je suis marié avec la fille, j'ai eu un enfant et tout. Et donc elle t'a pardonné d'avoir été examinée? Elle l'a su, bah après je vais pas cacher, je lui avais dit, je le savais pas et tout quoi. Et au début on s'avait quitté, mais après on s'est quitté. D'accord, ok, très bien. Non, mais c'était... D'accord, ok. Mais bon, très bien, Sébastien, écoute, tant mieux, hein, si ta copine a réussi à pardonner ça, c'est quand même bizarre, hein, parce que, pour le coup, tu te tapes la mère de ta copine, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même... Moi je le savais pas, la mère elle était en manque et voilà quoi. Ouais, ok, d'accord, écoute. Mais c'est chaud quand même. Ah oui, complètement. Mais le mari, comme elle était divorcée, la mère, elle avait besoin, quoi. Oui, non mais d'accord, mais après, oui, donc t'as fait de la charité quoi Sébastien, c'est ça? Voilà, c'était pour rendre service. Voilà. D'accord, ok, non mais très bien. Merci Sébastien en tout cas d'être passé, hein. Ouais. Et je pourrais avoir un petit cadeau s'il vous plaît? Ouais, on va t'envoyer un pack fun, tu vas gérer ça avec 100 € standard. Ok. Salut Seb, à bientôt. Bientôt, au revoir. Allez, ciao. Sandra, je te fais des gros bisous, merci à toi d'être passé également. Je peux faire une dédicace s'il vous plaît? Allez, vas-y, il y a une personne, on t'écoute. Alors, je voudrais faire une dédicace à tout le collège, le lycée Malraux, ouais. Et au collège Paul-et-Loire du 77. Très bien. Voilà. Une personne, on avait dit, mais c'est pas grave. Ah, désolé. Eh ben, c'est rien Sandra, j'ai pas entendu. Salut Sandra, à bientôt. Bisous. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, Camille, reste avec nous. Marvin également. Oui, ne pars pas, Camille. J'avais des trucs à te demander. On va revenir dans quelques minutes. On va voir la colle également dans quelques minutes. Et puis, Camille. Oui. Est-ce que tu portes des strings? Non. Non, jamais. Non, pas maintenant, mais je veux dire en règle générale, t'en portes de temps en temps ou jamais? Non, je supporte pas ça. Ah, tu fais bien parce qu'en fait, apparemment, ce serait dangereux pour la santé. C'est moche quoi. Non, moi je trouve ça joli, mais après. Ah, ouais, j'aime pas. Ah, ouais. Non, mais en fait, je viens d'apprendre que c'était donc dangereux pour la santé. En fait, il serait la cause de beaucoup d'infections. Alors, soit parce que la matière retient l'humidité, soit parce que le tissu est très fin et déplace les bactéries du cul vers le vagin. Alors, évidemment, après, c'est dégueulasse. Non, mais attends, c'est vraiment vrai, hein. Donc, venez nous dire, les filles, ce que vous portez comme dessous en règle générale. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Venez également réagir sur le Facebook et le Twitter. facebook.com/mikaelofficiel. Et puis sur Twitter, vous m'ajoutez, vous mettez @mikael_officiel pour venir nous rejoindre. Bon, du coup, Camille, très bien. Si tu ne portes pas de string, je propose que tu appelles quelques personnes dans quelques instants afin de prévenir tout le monde que c'est dangereux pour la santé. Mais évidemment, si moi je peux rendre service et aider les gens à ne pas faire de conneries, c'est toujours un plaisir. Et est-ce qu'on tombera sur quelqu'un d'aussi sympathique que ce qu'on a eu hier soir quand on avait appelé Alors, c'était quoi le thème d'hier, Jean Courbier? Le thème d'hier, c'était une bonne question. Putain, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on va le réécouter. C'est quand on avait appelé le beau-père d'un auditeur. C'est pour les seins. Ah, pour les seins, ouais. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'était d'une violence. Oui, bonsoir, c'est qui? Oui, c'est Toff à l'appareil. Toff? Oui, Toff. Je connais pas de Toff. Non, on ne se connaît pas, monsieur. En fait, je voulais savoir si votre femme avait des gros seins. Quoi? Je vous demande si votre femme a des gros seins, une grosse poitrine. Tu te fous de ma gueule, là? Mais pas du tout, monsieur. Et je te demande, toi, si tu as des plus grosses couilles que les seins de ma femme? Pas du tout, monsieur, mais je vois pas le rapport. Moi, je veux juste et savoir. Alors, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Pour savoir si votre pour femme... me demander ça, mais je te connais pas, moi. Non. Tu veux quoi? Je te casse la tête? Mais pourquoi vous voulez me casser la tête, monsieur? Mais je te connais pas, tu m'appelles, tu demandes si ma femme elle a de gros seins, mais tu as pété les plombs ou quoi? Mais non, monsieur. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis, moi? Non, mais je vois pas le rapport. Et moi, je vois pas le rapport de ce de que tu me parles. Alors écoute-moi bien. Envoie-moi ton numéro si tu es un bonhomme. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Bah oui, j'entends bien, monsieur, mais ça ne me dit pas si votre femme a des gros seins ou pas. Ma femme, écoute-moi, elle a des petites tétons secs, si tu veux tout savoir. Ça te plaît? Et mes couilles, elles sont plus grosses que ses seins. Ça te va? Oui, oui, bien sûr, monsieur. Ça te va comme réponse? C'est pas mal, j'ai beaucoup aimé les images que vous avez employées. Oui, ça te plaît, cochon que tu es, enculé. Écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Espèce d'enculé, va! Bah putain, en plus tu me traites d'enculé, mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants, ou à enculé que tu es. Et toi, espèce de culé, pédé de merde, va. Moi je suis pédé, moi. Moi je suis pédé, moi. Viens en face, viens en face, viens en face que je te marrave, va. Au baltringue que tu es, au pédé que tu es, enculé, va. Attends, enculé, tu m'attends? Ouais, tu vas voir le connard qui c'est. Tu vas voir le connard qui c'est. Avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front. Au pédé que tu es. Je vous emmerde. Ah, il est parti, il est parti. Oh putain, eh mec. Voilà, donc ça c'était hier soir, hein, donc t'oses encore appeler quelqu'un, taf? Bien sûr, moi bon, j'ai peur de rien. Tu sais, c'est comme le petit chat. Mais oui, t'as je pas suis un tiger. T'as pas eu peur, Camille? Moi, tu parles. Non. Non, ça va, il était gentil, le monsieur, hein. Ouais, très gentil. Tu veux que je te le présente? Non, ça va, allez. Ah, c'est dommage. Bon, ben, écoute, c'est un beau militaire, il paraît. Ben oui, oui, oui, oui, oui. Bon, allez, 23h30 sur Fun Radio. Est-ce que t'écoutes l'émission d'habitude, Camille? Oui. Bon, est-ce que tu veux le Britney Spears version spéciale remix ou pas? Ah oui. Ah oh, bah oui, pourquoi la Work Beach Motherfucker. Tu vas kiffer, bon, Camille, ben, dis oui. On se fait ça d'ici quelques secondes, restez sur Fun. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les colards. No Limit. Sur Fun Radio. Bienvenue dans l'émission de la classe. Bravo, bravo. Ouais, quel talent. Merci, merci. Y a Céline qui dit je kiffe ton remix. Oh, merci, merci. Let's be free. J'en porte aussi, mais je suis plus à l'aise dans les boxers quand même. Ça, c'était par rapport au string. Kabouille qui dit cool leur mix. Mort de rire leur mix. C'est Koala qui vient de le découvrir apparemment. Il y a Benji qui dit allez, DJ Baby, prends les platines. C'est fait, t'inquiète. Fabienne qui dit ça rigole autant dans les studios que nous à la maison. Bah, j'espère bien en tout cas. Y a qui aussi? Priscilla qui dit mort de rire, il pète un câble corse. Et puis Youssef qui dit tof, je le kiffe avec ses conneries. Et puis NLCO068. Pratique hein, comme pseudo. Moi j'aurais fait encore un peu plus compliqué. Quand elle a vu que Mickaël est parvenu en... Attends, c'est quoi? Même la mort a rigolé quand elle a vu que Mickaël est parvenu en TT en moins de 5 minutes. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà en top tweet? Ouais. Non. Si. Ah bah dis donc, bah merci beaucoup hein, pour tous vos messages. Là vous envoyez nombreux apparemment. Et il y a Amy qui dit Bruno, le matin, le soir, Mickaël, on est trop fort. Vous êtes trop fort. Bah merci beaucoup. Et puis un message de Miguel aussi qui dit j'ai failli me pisser dessus. Aïe caramba. Eh bah très bien. Bah c'est pas fini. On vient de commencer l'émission là. On est plutôt à la cool. Bon, Camille. Oui. Est-ce que tu veux que Toff appelle fasse le premier appel là maintenant? Non, là, avant je dois faire un truc. Désolé. Tu vas faire quoi? Camille, combien mesures-tu? Mais tu l'avais déjà fait, il me semble, avec Camille, non? T'es déjà passé à l'antenne, Camille, hein? Oui, il y a 2 jours, je crois. Ah, il y a 2 jours, ah, voilà, bah c'est pas ça. Grave, ouais. C'est pour me rappeler, pour vérifier qu'il n'y a rien à changer. Combien mesures-tu, Camille? 1m64. Combien pèses-tu? 43. Mmh. Quel est ton tour de poitrine? Petit. Oui, mais c'est combien en chiffres? Bah, j'avais pas donné de trucs. Si, tu nous avais dit 85 à... Voilà, un truc. Il note vraiment tout. Oui, il a son document. Que c'est que c'est trop il a son quoi. Document officiel. Oh là là. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36 ou 34. C'est pas pareil. C'est plus hein. Que j'ai dit. Ou 34 ou 36. Non, c'est plus ce que j'ai dit. Attends une seconde. Tu nous avais dit 34, mais peut-être qu'on est passé à 36. Attention, et vous pouvez pas lui faire à l'envers, Toff. Hein, vous inquiétez pas. Hein, bon, j'ai rendu 34, tout, mais la prochaine fois. Ouais, il note tout, vous inquiétez pas. Ouais, bon, on fait le premier appel pour prévenir tout le monde au final que c'est dangereux, quoi. Bah oui. Bah voilà, c'est ça. Donc on appelle maintenant, Camille? Ou alors on attend un peu? Est-ce que t'es chaud ou moi, je ou suis, maintenant? Je suis chaud. Mais on a maintenant? Bah, comme tu veux, c'est toi qui vois. Je sais pas. Moi, dans 5 minutes, je sais pas. On va d'abord se refaire un coup de colle avec Romain, tiens. Romain? Oui. Bon, très bien. Allez hop, c'est parti, Romain, pour la colle. Je rappelle qu'il y a toujours, évidemment, le PC portable ou alors il y a la caméra numérique à gagner. Romain, il faut évidemment me faire péter la colle. On me prend sans me toucher. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? C'est ça. Jambon. Le jambon. Bon, le jambon. Non. Non, la, l'érection. Attends, c'est quoi? Mickaël, la réponse à la colle, c'est l'érection sa mère. Non. D'accord, la réponse, c'est la mouche. Non. Non, un vent. Non. La porte. Non. On proposait la parole. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, la vie. Ouais, aussi, ça aurait pu, mais non. Mais à chaque fois, tu dois réfléchir comme ça pour être sûr ouais, que c'est parce la bonne réponse. La bonne réponse donc. Il y a Véronique qui proposait l'air. Non. Non plus. Une molécule ou un atome. Pas du tout. Un râteau. Vous proposez le temps également. Non. Un éjaculateur très précoce. Non. Son pied, les escalators ou le tapis roulant. Non. Il y a Laetitia qui proposait la poste. Ou la poste. La pause, pardon. N'importe quoi, la poste. Ou alors une amende. Non, c'est pas ça. Non, non. Non, non, non, non, non. Bon, bah tant pis. Si bah, vous avez non. la bonne réponse, je rappelle, PC portable ou alors, eh bien, le, la caméra numérique qui gagnait en envoyant simplement M-I-K-L par SMS au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. Je rappelle que la colle est également disponible sur le Facebook. Vous pouvez y répondre évidemment, facebook.com/M-I-K-L officiel. Bon, Romain. Oui. On donne la réponse avant minuit 30. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, c'est lui qui gagne. Si c'est toi qui trouve la bonne. Enfin, si c'est toi qui a qui n'a personne au téléphone, si personne ne trouve la bonne réponse ou la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Romain. Je te souhaite bonne chance. C'est parfait. Ah bah, avec plaisir. Salut Romain. À tout de suite. Allez, à tout de suite. On va revenir également avec Marvin pour terminer avec sa prof qui kiffe sur lui. Il y a également donc Camille qui est toujours avec nous, évidemment, 18 ans de Paris, qui a eu la même chose mais avec une meuf cette fois-ci. Et Mike, 23 ans de Marseille. Bonsoir Mike. Bonsoir. Comment ça va? Impeccable, et vous? Bon, bah oui, ça va. Allez, Marseille. Oui, Marseille. Mais Marseille. Oui, mais oui. Bon, alors, Mike. Bon, t'as pas un numéro, toi, qu'on peut appeler hein, un numéro des gens des Marseillais ou un truc comme ça, non? Non. C'est pour dommage. Les embêter. Oui, bah bien sûr. C'est surtout pour sauver la vie de leur femme. Hein. Bah oui, c'est le string. Oui, le string est mauvais pour la santé, donc on veut prévenir un maximum de gens, nous, ce soir. Donc, À cette heure-là, non, je crois qu'ils sont pas dérangeables. Merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, Mike, alors toi, t'as kiffé sur une meuf aussi, ou un prof, ou un collègue? Non, ou c'est qui? Rien à voir. En fait, moi, j'étais dans un établissement sur Istres. Ouais. Et en fait, j'ai surpris mon collègue avec ma pro de français. Ah, ça va. Vu que je suis une vraie brin en français, la prof, elle a vu que j'avais cramé. Et du coup, t'es devenu numéro 1 de classe. Exactement. Première classe, enfoiré. C'est bon, ça. Oh, t'as raison. Ça, c'est valable. Ça, c'est bon, ça. Bah oui, oui. Et quoi, t'as fait le sortage, genre, t'as été la voix en disant, bah écoutez, soit je balance, soit vous me mettez des bonnes notes? Pas du tout. J'ai eu la chance qu'elle me dise, écoute, on va passer un deal. Oh, c'est énorme. Oh putain, t'as eu tout le cul de ta vie, toi, Mike. Hein. Ben voilà. Ben, dommage que c'était pas le directeur. Ou ben la directrice, non. Parce que là, t'aurais eu encore alors, là, plus d'avantages. Je finissais docteur Bac plus 8. Ouais, bah docteur, par contre, comment t'expliquer que t'aurais pas soigné beaucoup de monde, quoi. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, bah merci Camille, en tout cas, d'être passé. Hein. Je peux juste passer une dédicace? Attends, je vais d'abord saluer Camille. Camille de Paris? Oui. Voilà, je te disais merci d'être passé, je te fais des gros bisous, Camille. Merci, gros bisous. À bientôt, salut Camille. Salut. Et Mike, vas-y, ouais, pour une dédicace à une personne, tu connais la règle, on t'écoute. Je passe une grosse dédicace à ma chérie et à son petit frère. Oh, c'est mignon, Mike. Tout très cet bien. Amour dans cette émission. Mais oui. Ah, il y a un auditeur qui m'a envoyé un numéro Marseille. Apparemment, on peut l'appeler. Il est chaud comme la braise. Très bien. Eh bien, nous prenons note. Bon, ben parfait. Merci, Mike, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Passez une bonne soirée, toute l'équipe. Salut. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Oh, ben merci à toi d'écouter, Mike. Merci beaucoup et passe une bonne soirée. Marvin, ben, tiens-nous au courant et puis fais le bon choix. Mais à ta place, moi, je resterai avec ma meuf. Hein. Mais ouais, c'est sûr. Bah oui, bah c'est mais bon. Mais lui, un coup, vite fait. Après tu fais ce que tu veux. Mais bon. Ah, bon. C'est sûr, demain, c'est sûr, elle va y passer. Bon, bah, très vas-y. Bien. Bon, bah, Marvin, merci à toi d'être passé. En tout cas, on va s'écouter dans un instant Jason Derulo sur Fun Radio avec Dirty Talk. C'est ce qui arrive. Et puis, les premiers appels de Toff, ce sera à Marseille. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64-900. Sur Fun Radio. Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Allez, dernière ligne droite. Dernière ligne droite, j'ai n'importe quoi. Il n'y a plus de pub maintenant, c'est proche. Je croyais qu'on l'arrêtait à minuit, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'on était dimanche. C'est la faute de Toff. Ça y est, c'est ouais, fini. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Non, non, on va appeler Marseille dans quelques minutes là. Et puis, bah, il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon tout à l'heure. Ce sera à partir de 6h du mat sur Fun Radio, donc profitez-en bien. Et puis, il y a toujours, évidemment, la colle avec Romain. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh ben, vous balancez M-I-K-L espace la réponse au 64 900, bien entendu. Alors, on peut donner un indice? Oui, on peut. Bah oui. Ah pardon, c'est moi qui dois donner l'indice. Non, ça ne se développe plus. Oui. Ah, si, ça peut, mais c'est plus vraiment souvent quoi. Donc si vous avez la bonne réponse, on me prend sans me toucher. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900. Et rencard également sur le Facebook, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez évidemment participer aussi depuis le Facebook, et comme ça c'est gratos. Et pareil aussi sur le Twitter, déjà en top tweet hein, depuis le début de l'émission là. Merci beaucoup pour tous vos messages. Le top tweetos, on fera un point d'ailleurs au niveau du top tweetos. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Restez bien là, et puis on va appeler Marseille hein, pour prévenir les meufs que le string ça peut être dangereux. C'est après Jason Derulo et Dirty Talk sur Fun. Voilà Jason Derulo sur Fun Radio. Comment ça tu comprends rien? Je comprends pas Dirty Talk à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs évidemment, de 23h à 2h du mat. Et puis bien sûr aussi le dimanche soir, on est là à partir de 20h. Et on sera là des dimanches. Je rappelle également que ce week-end on part à Prague. Bah, on part tout à l'heure dans l'absolu hein. L'avion décolle à 7h25. On fera des photos en direct Quelle bonne idée. On est des ouf. Bah oui, attends. Mais quoi, quelle bonne idée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est lui, ça, il a rien. En plus il paraît. Ouais, déjà je vais lui en mettre un coup dans la gueule. Et en plus, que je ne paye rien du tout. J'ai vu sur Twitter, c'est le bruit qui court. Alors dites-moi les gars, si vous êtes sur Twitter, est-ce que vous n'avez pas vu un bruit qui court? Est-ce que c'était un buzz apparemment? Ouais, comme quoi Toff payait son Burger King c'est à Prague. Voilà, c'est un bad buzz. Déjà, on est déjà je pense pas qu'il y ait de Burger King à Prague. À Prague, vas-y, dis-y, oui, il y en a des Burger King. Toutes les meufs qui t'écoutent là, tu vas passer pour une balle. Mais ouais, c'est ça. Alors que bon, donc dites-moi, vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez qu'effectivement Toff paye son Burger King si vous avez vu ça passer aujourd'hui à Prague. Si vous mettez en top tweet Toff paye son Burger King, je veux bien le payer. Alors là, attends, je poste le message de suite. Tu alors, vas payer, je vais bouffer, je mettez vais bouffer, je pour apprendre ce que tu veux. Alors, mettez en TT, Toff paye. Mais on va faire comme dans les trucs chinois, les trucs japonais, 1 euro par truc que tu manges pas. Très bien. Je vais manger, attends. Voilà, attends, je le mets en direct là, attention, voilà. Il a inventé une règle, Toff. Ouais, ouais, mais non, mais dans les trucs à volonté, en fait, c'était pour que les gens ils gaspillent pas, et maintenant tu payes genre 1 euro par produit. Ils ont raison, parce qu'avant les mecs, ils remplissaient leur assiette, et puis après, ils restaient la moitié. Donc voilà, j'ai posté le truc, je compte sur vous, donc je vous ai mis le hashtag, hein, et puis, j'espère que vous arrivez. Oh, déjà numéro 1, c'est bon ça. Ne vous inquiétez pas, je surveille. Voilà, donc Toff paye son Burger King, je l'ai mis en top tweet, donc PAI le paye, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, comme ça vous allez voir. Toff paye son Burger King et s'il est en top tweet il paye son Burger King, on mettra les photos pour la preuve bien entendu. Bon comme tu fais le malin là, on va prendre Romain Fred aussi dans quelques minutes là. Salut Fred. Ouais, salut à tous, ça va? Comment ça va? Salut. Ouais, tranquille, est-ce ça va. Est-ce que t'as Twitter toi? Ouais, j'ai Twitter. Ah, et tu peux mettre aussi Toff paye son Burger King avec le hashtag? Ouais, y'a pas de soucis. Ah, je parfait, bah merci, je compte sur toi Fred. Hein. Bon, Toff le Fred le Lyonnais, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? En fait, c'est que ce week-end j'ai fait un plan 3 avec Denana et du coup j'avais pris des pilules pour mieux bander. Du coup, après, j'arrive plus à avoir d'érection. Bravo, félicitations, tiens, c'est ça, le genre de conneries que Toff aurait pu faire également, tiens. Ouais, mais bon. je l'ai fait, mais j'ai pas pris du Viagra, j'ai pris un truc genre que t'achètes sur internet. Cialis? Ouais, bah moi Non, c'est. Placebo? Non, pas plus. Non, et en fait, ça marche, mais c'était pas ouf, quoi. D'accord. Ça marche sur le coup, mais après, il n'y a rien. Bah, tu vas nous en parler dans quelques minutes, ouais. Fred. Bon, est-ce que t'as une meuf, toi, Fred? Ouais, pour le moment, ouais. Bon, d'accord. Est-ce qu'elle met des strings? Oui, elle en met, mais bon, après... Faut qu'elle arrête, apparemment, c'est dangereux pour la santé, les strings. Dans ce cas-là, faut qu'elle arrête de faire les fellations aussi, comme elle peut avoir des cancers. Ouais, mais ouais. Oui, mais ça, c'est moins grave, enfin... D'abord les choses urgentes. Ouais, d'abord les strings et on verra pour la fellation après. Faut pas s'occuper de tous les dossiers à la fois. C'est ça. Donc du coup on a reçu un numéro de téléphone d'un auditeur là. Vous avez été nombreux à envoyer des numéros d'ailleurs. Continuez hein, si on n'appelle pas ce soir, on appellera dimanche, lundi, etc. Vous envoyez les numéros de téléphone des gens qu'on peut encore appeler évidemment sur le mail de Toff, pardon, toph@funradio.fr. On a reçu un numéro à Marseille. Allons-y. J'adore les Marseillais. Allez, c'est parti Fred, on y va, on appelle à Marseille, tu restes avec nous hein. Ouais, y'a pas de soucis. Bon, allez, c'est parti, direction Marseille. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Voilà, en fait, c'est Toff monsieur.

Ma vie de ma mère, j'ai tronqué. Non mais on comprend rien, j'ai tout un téléphone, je te jure, c'est relou. Je vais te niquer, fils de pute. Oh putain, oh putain, oh les paris, oh putain. En gros, à part dire rose et jaune, vous avez rien à la tête, on vous encule. D'accord, allez, on se souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Non, il n'y a pas de bonne soirée. Voilà, bon, achète-toi un téléphone qui marche, ça m'a saoulé. Oui, c'est mieux, effectivement. Oh, le rageux, le rageux, le rageux. Oh, c'était beau, c'était beau. Il était pas rageux du tout, Fred, hein, t'as vu, hein. Ah, bah, de toute façon, les Marseillais, ils sont tous faux. Mais non, c'est pas vrai, non, mais attends, mais t'as des mecs cool, on se foutait de la gueule du mec, là, après, on s'en fout. Ouais, mais après, ils sont tous comme ça, qu'au foot. Mais alors, ah oui, pour le foot, ouais, pour le foot, c'est vrai que le foot, c'est le foot. Après, ça, c'est des... évidemment, c'est différent. Il y a Charlie qui dit le mec, il a le nez aussi gros que ma tub. Par rapport à Ibrahimovic, il y a Youssef Yitov, il est balade, j'ai peur pour lui. Un jour, il va se faire tuer, hein, c'est clair. Il y a ça à la conne. Attends, c'est quoi? Ah oui, ah là, la conne de ta grand-mère, la te pue, mort de rire. Mickaël en top tweet. Merci beaucoup, Tony aussi, qui dit pété de rire, il est trop fort. Il a trop la rage, c'est hashtag Tof paye son Burger King, évidemment. Qui n'est pas encore en top tweet, hein, j'aimerais bien que ça monte, ça, je compte sur vous pour que. Parce que demain, on va à Prague avec Tof et Polo, donc on aimerait bien que Tof il paye son Burger King. Qu'on lui fasse cracher de blues. Exactement, donc il a dit que s'il était en top tweet avec le hashtag Tof paye son Burger King, eh bien il payait son Burger King, on mettra les photos, bien évidemment, en direct. Il y a GTR qui dit oh le rageux de Marseillais, indissociable qui dit Tof, il me dit en message privé, mort de rire, hashtag Tof paye son Burger King, bien entendu. Et puis Clem qui dit j'ai vu ça, ouais, je sais plus où, mais je vais circuler, tu me payes le burger à moi aussi? Bah viens. Voilà, et puis Tof paye son Burger King qui dit aussi, à Sun Sun qui dit dans un mois il y a un Burger King à Saint-Lazare à Paris, bientôt on aura un Burger King à notre porte. Et bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux, après qu'il paye ici ou là-bas, nous ça nous dérange pas, hein, l'un ou l'autre, c'est pas grave quoi. Bah c'est mieux demain quoi. Bah dans l'absolu c'est mieux demain, donc je compte sur vous, mettez le hashtag Tof paye son Burger King en top tweet, et si jamais c'est fait, ne fût-ce qu'une fois, hein, pas longtemps, hop, et bah il payera le Burger King, on fera les photos et on vous fera goûter par photo. Non mais c'est bon, vous allez voir, hein, ça va être bien, hein, goûter par photo. Ouais. Bon, Fred. Ouais. Bon, on va faire le canular aussi, hein, dans pas longtemps là, un canular avec je sais plus qui avait appelé pour le canular, mais c'est pas grave, on va le récupérer tout à l'heure. Et donc si vous aussi vous voulez faire un canular éventuellement ce soir ou la semaine prochaine, hey, n'hésitez tu m'as pas. Fait le message de bienvenue quand même, hein, depuis le mois d'août, hein, depuis le mois d'août que j'écoute, hein. Non, t'as jamais eu ton message de bienvenue? Non, jamais. Bon, tu veux un gros grave ou un petit light? Tu mets ce que t'as. Bah je sais pas, moi j'ai tout ce que tu veux. Qu'est-ce allez, que tu un grave. Un violent, hein? Ouais, allez. Bon, ok, d'accord. C'est toi qui l'auras voulu, hein. Faudra pas venir taper scandale derrière. Hein. Allez, vas-y, balance. D'accord, ok, très bien. Oh, baltringue, coachier. Oh, PD, coachier, enculé, va. Voilà, bon, c'était gratuit. Bon, bah, hein, dans ce cas-là, tu balances un coup de pelle à Tof. Ah, avec plaisir. Il n'y peut rien, voilà. Mais... Non, ça, c'était gratuit, hein, je suis... Bon, alors, du coup, Fred, bon, explique-nous, alors, en deux mots, là, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, donc, avant qu'on écoute Goulding. En fait, j'ai pris des pilules avant le plan que je devais faire avec les deux nanas ce week-end, et du coup, après, bah, du coup, ça a bien marché sur pendant le plan, et puis après, j'arrive plus à bander entièrement, en fait. Mais depuis, t'arrives plus à bander entièrement? Ouais, du coup, en fait, ça redescend à chaque fois, et du coup, j'ai pas réussi depuis le plan, en fait. Ah ouais! Bah écoute, c'est marrant ça que ça descende quand même. T'as pris quoi? T'avais pris des cachetons et des cachetons? Bah en fait, j'avais mélangé deux produits que j'avais commandés sur internet en fait. Mais oui, mais... mélange-les! Bah vas-y, ah bah tiens, oui, t'as la bonne idée! Bah bien fait maintenant, regarde, t'auras plus la gaule, t'es bien avancé. Donc, ta gueule, voilà. Voilà, exactement. Et pourquoi t'as pris ça? T'avais eu peur de pas bander avec deux meufs? Bah après, ouais, c'était le risque, ouais. Bah attends, si t'as deux meufs, si elles sont bien, normalement, tu t'as pas de. Tout ce qui peut t'arriver, c'est d'éjaculer trop vite, mais normalement, ça. Ouais, monte, mais après, hein. C'est ça le risque aussi, donc après, c'est. Ah bah oui, mais c'est ça. Mais ça, après, il faut travailler sur toi, mec, hein. Ouais, bah donc après, avec ça, après, ça a marché, mais après, depuis, du coup, ça remonte plus après. Bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé, les mecs et les filles, enfin, surtout les mecs, hein, d'avoir pris des cachetons? Est-ce que bah, ça a fonctionné? Est-ce que, comme lui, justement, vous avez pris des cachetons pour avoir la gaule? Et puis, bah, depuis, vous l'avez plus, justement. Bah, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000, 02 851 4x0 également pour la Belgique. Et puis, bah, les filles, venez nous dire si vous êtes déjà tombé sur des mecs qui avaient un petit peu de mal, comme Fred, justement, qui bandait mou. C'est un peu ça, Fred? Ouais, bah c'est en ce moment, ouais, c'est ça, là, bah, depuis, en ce moment, depuis ouais. Dimanche, ouais. Bon, très bien. Bon, écoute, on fait ça, alors allez-y, appelez-nous, les garçons, les filles, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, on en est où au top tweet, là, Tof, là, toujours pas? Non. Je ne vois rien venir. Avec le hashtag Tof paye son Burger King. Ah, bah, un coup de lance-flamme, comme on n'est pas encore en top tweet. Hein. Oui, c'est vrai, bah le Mickaël est en top tweet, mais pas le Tof paye son Burger mais King. Mais voilà, donc tant qu'on n'est pas en top tweet, bah un coup de lance-flamme à chaque fois. Voilà, j'ai fait cramer un triple Whopper, là, voilà. Hop, ça y est, ça c'est fait. Bon, allez-y, je compte sur vous. Bon, tu restes avec nous, Fred ? Ouais, y a pas de souci. On va en profiter pour refaire un petit coup avec la colle de Romain. Là, la colle pour repartir avec soit le PC portable avant minuit 30, soit avec la caméra vidéo. Romain, vas-y, fais péter la colle. On le prend sans me toucher. Qui suis-je ? Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a Dan qui proposait la fuite. Non. La Lisou qui proposait les sentiments. Non. Le soleil. Bah non. Non, le cœur ou le plaisir ? Non, toujours pas. Un râteau, c'est Yvan. Non. Coup de soleil également, c'est Grégory. Non, c'est pas ça. Non, la langue. La langue ? La langue, oui, hein, la langue. Non. Non. Un bol d'air ? Non. Les avions ? Non. Non, un numéro de téléphone ou les yeux ? Non. Rien de tout ça. Bon, ben, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse par SMS au 64900 ou au 6322. On donne la réponse dans un peu plus de 20 minutes pour repartir avec votre PC portable ou la caméra numérique. À vous de jouer. Bonne chance tout le monde. Et puis, ben, je vous rappelle également que vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Romain, il y a un son que tu kiffes en ce moment ou pas? En ce moment, j'aime bien Avicii, Wake Me Up. Avicii avec Wake Me Up, bah très bien, écoute, on va se le mettre maintenant si tu veux, tiens. Tu veux le mettre maintenant? Ok, là parfait. Allez, bah vas-y, attends une seconde, je te le mets tout de suite là. Hop là, c'est parti. Merde, monsieur Gouré, évidemment ça arrive même au meilleur. Voilà, Avicii avec Wake Me Up. Ah bah avec plaisir. Et on se fait le canular juste derrière là, reste avec nous, les minuit 6 et il n'y a pas de pub toute la nuit sur Fun. Bienvenue tout le monde. Feeling my way through the darkness. Bienvenue si vous venez d'arriver, le son d'Avicii à l'instant c'était Wake Me Up, il y a Thomas aussi qui dit pas besoin de taper des pilules vu comme je suis membré. Bon Brakmar ne m'a jamais laissé tomber en toute modestie, bien sûr. Quel homme modeste. Mais oui, il y a le prince là qui dit aussi mais c'est pas réservé aux personnes plus âgées cette pilule magique justement. Bah oui, en théorie en tout cas ouais, il y a un dissociable qui dit t'es pas un vrai homme si tu prends ce genre de produit, ça veut dire que t'assumes pas. Et puis Yaku aussi, c'est Isvan aussi qui dit je paye le nez Imbrad en Hamburger King. Oulala, j'ai rien compris. Isvan Antilope qui dit salut l'équipe, je peux avoir un coup de pelle dans le cul. Bah tu le mets où tu veux, mais après je te le file hein, si tu veux hein. Voilà, il y a quoi aussi David qui dit ah vous gérez les gars. Il y a AES de Tick Shark qui dit oula, muscu en vous écoutant, le pied total. Ah bah c'est cool, vas-y continue. Allez hop là, tu lèves, tu descends. Allez, on fait les tractions. Et un, et deux. Et Anthony qui dit peux-tu passer une dédicace à ma femme Lily pardon, pour la remercier de m'offrir ce beau cadeau à notre bébé. Oh, encore des nuits où tu vas pas dormir à cause d'un truc qui braille. Et ça coûte cher. Et en plus c'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai. Bon alors est-ce qu'on a toujours pas Toff paye son Burger King en top tweet? Non, toujours pas. Ah putain. Oh là là, allez je compte sur vous là hein. Demandez à vos potes de suivre là, mettez le hashtag Toff paye son Burger King. On puisque veut demain. Bien. Voilà, ce week-end on va à Prague avec Toff et Polo et puis bah on aimerait bien qu'il paye son Burger King demain quand on arrive quoi, ce serait bien. Hein, ouais. Comme on arrive à 9h du matin, on se prend un petit déj quoi, ça va être cool. Ah ouais, un bon Burger King. Bah oui, ça va être cool, ça va être cool. Bon, on va sur le petit canular là maintenant là je pense. Et on a Fred qui est avec nous là. Bonsoir Fred, tu nous appelles pourquoi? Bonsoir, je voudrais faire un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est 20 ans, on a envie de... Ah, c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup, ouais. D'accord. Un petit coup de pipe, ouais. Bon, bah très bien. Un coup de flip ou un coup de pipe? Ouais. Les deux, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, mais très bien. Bon, écoute, on va l'appeler, mais est-ce que t'as une idée, un truc en particulier? Je voudrais peut-être faire une fusillade, une soirée, en fait, un ami à moi qui aurait... Enfin, soi-disant ami à moi qui aurait tiré... sur quelqu'un et je l'appelle paniqué et je demande ses conseils et du coup bah je le mets dans le coup parce que je l'ai appelé et du coup il se retrouve aussi dans la merde et voilà et tout en enchaînement de choses ça peut être vraiment pas mal. D'accord. Bon écoute, on va essayer. Alors soirée, donc lui donc toi t'habites à Nantes et lui il habite où? À Paris, d'accord, ok, voilà. Très bien. D'accord. Bon, on y va, Jeff, on l'appelle, comment il s'appelle lui? Jawed. Ok, très bien, parfait. Allez, c'est parti, on y va. Donc on est une soirée à Nantes, peu importe où, on s'en fout. Et okay. Donc moi je m'appelle Michel et c'est moi qui ai tiré. Hein, donc on va dire que c'est moi qui ai. Donc tu vas dire ouais machin, il y a un pote, il a tiré et tout, donc t'es en mode paniqué. Ouais. Ouais. C'est Michel, donc en gros toi t'as voulu éviter les frais, genre que je tire sur un autre mec. Du coup tu m'as pris mon flingue des mains. Et du coup, le problème, c'est que t'as réfléchi après, mais en fait, il y a les empreintes sur ton flingue. Et comme moi, je suis un gros enculé, je vais dire, moi, j'ai tiré sur personne. Hein. C'est lui qui a tiré. Enfin bref, j'essaie de me dédouaner, d'accord? Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on verra. Bon, le pistolet est là, tout va bien. Et donc, au besoin, on improvisera, on verra bien. Allez, c'est parti, on y va, Jeff. Allez, bonne chance. Ok, merci. Allez, et caméra numérique peut-être pour lui ou pour toi, hein, comme c'est son anniversaire. On verra. Allez, c'est parti.

Hey, il est con. Pourquoi t'as fait le mort? Il est con lui. Il va appeler les flics. Vous êtes des... Il va appeler les flics. Jeff, attends, rappelle. Allô. Attends. Hey, t'es trop fort. Mais oui, qu'il est con. Il fait le mort. Hey, lui. Attends, Tof hurle. 07. Merde. Oh putain. Merde. Mais je t'en putain, sérieux. De toute façon, je m'en fous. C'est Tof qui a tiré. Ouais, c'est Tof. Bah, tout le monde est tard. Vas-y, je commence. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il a buté connard, les deux. Connard. Mais non, t'es déjà mort, Tof. C'est une espèce de mort. Ouais, t'es déjà mort. Hey, Jawad. Jawad, bon anniversaire. Jawad, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Jawad. Avec plaisir. J'ai anniversaire, et là c'est vraiment Fun Radio mon gars. Ouais, j'ai cramé, t'inquiète, j'ai cramé. Oui, c'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Bon, je te mets une petite musique d'anniversaire quand même, hein. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Attends, merde, ah oui, putain, attends une seconde, la musique d'anniversaire, elle est foireuse là. C'est bon, alors quel acteur? Mais quel acteur? T'as vu un peu là? Quel talent quand même, hein. Tof, tu peux. Non, mais Jeff, tu joues mal, hein. Jeff, tu joues archi mal. Voilà, bon anniversaire Jawad. Bon anniversaire, et vous lui mettez pas une petite musique avec joyeux anniversaire mon gars. Vas-y, vas-y. C'est ce qui passe là, c'est ce qui passe. Franchement, tranquille, c'était marrant. Bon, Jawad. Ouais. Bah, comme c'est ton anniversaire, on avait un cadeau qui était prévu pour Jeff, on va te le filer à toi du coup, hein, comme c'est ton anniversaire. Bah c'est normal. Hein, bah normal, non, ouais. C'est normal. Bah, normal. Ouais. Allez, c'est caméra numérique pour toi Jawad, on va te filer ça du coup à la place de la filer à Jeff, hein, puisque bon finalement c'est comme toi qui étais dedans. Est-ce que Tof peut aller un peu là? Ah ouais, attends. Hey, je peux fermer ta gueule. Une bonne fois pour toutes là, qu'il est con lui. J'adore. Bon. Bon, bah c'est vraiment con, hein, la prochaine fois il t'arrivera vraiment un truc comme ça. Ah ouais, tu veux mais non, mais non, mais mon gars, mais vraiment, en fait, en plus le pire c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Est-ce que tu peux donner de Fun Radio? Mytho, c'est pas nous, arrête de dire des conneries là. Bon, Jeff, c'est un menteur. Merci à vous d'être passé, en tout cas, vous revenez quand vous voulez, je vous repasse Sandro au standard pour prendre vos coordonnées. Ok, ciao les gars. Allez, à bientôt les gars, salut. Allez, salut. Et Tof, refais encore un petit coup là. Qu'est-ce qu'il est conscient. Non mais n'importe quoi. Oh putain, il était bon. Et je. Ouais. Pourtant au début je savais pas où on partait, hein. Ouais. Parce qu'en plus il avait du mal à croire, je me dis oh là là là là. Et c'est parce qu'on est les meilleurs. Ouais, il y a Prasé qui dit bon anniversaire Jawad, la beau cadeau. Il y a Fabienne qui dit c'est officiel. Tof paye son Burger King. Ouais, on a réussi, merci à vous. Deuxième, première place du top tweet, il y a Mickaël. Deuxième place, il y a Tof paye son Burger King. J'ai envie de dire c'est beau. Il y a un soir, on va y réfléchir, mais il faudrait qu'on fasse Mickaël. Mickaël 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour que tout le top tweet soit tagué Mickaël. Ce serait bien, je compte sur vous, on va essayer de gérer ça. Nous allons dominer le top tweet. Exactement. Bon après, peu importe si le 1 se retrouve à la place du 2, enfin tu vois, on s'en fout, non. On n'est pas dans le détail. Hein. Mais on va essayer de gérer ça de ces soirs. Mais par contre, il va falloir que vous soyez nombreux, que vous préveniez vos potes et tout le bordel pour qu'on soit là et que l'opération fonctionne, évidemment. Il y a un message aussi de Lilou qui dit c'est des ouf. Il y a Romain qui dit canular de malade. Ah, putain, c'est bien marré. Il y a Youssef aussi qui dit c'est la première fois que j'écoute un putain de film, on dirait. Ouais, j'avoue, c'est vrai que... On était dans ce film là. Ouais. Ah, remarqué quand, le talent d'acteur. Ouais. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Et quand tu cours là, quand tu es ton footing là, mec, c'est des barres de rire. Et Steven qui dit juste énorme le canular. Il est dedans le gars, c'est énorme le voir en plus, de l'entendre. Clem qui dit ce canular de ouf, putain. Et alors Tony qui dit génial, le hashtag de Tof est premier du top tweet. Ah, chez nous on l'a vu second en revanche. Hein. Je suis mort de rire, vous gérez, c'est Youssef. Et alors double top tweet également pour Thomas. Et oui, exactement, merci à vous. Et puis Brittany qui dit trop fort le canular, j'étais mort de rire. Et GTR qui dit trop bon l'appel, on s'y croirait. Et Marie qui dit c'est Robert, mais c'est quoi cette voix explosée de rire? Arrêtez, j'ai mal aux abdos. Ah oui, Robert, c'était Tof, j'ai presque oublié le voisin. Bon, il y a eu une apparition très furtive. Oui, j'avais un petit rôle dans cette composition. Ouais, mais quel rôle? Ben, le cri, ça restera pour moi quelque chose de sublime, j'adore. Ah, mais le stagiaire, il va aller découper le cri, on va gérer ça. Et le prince, c'est là qu'il dit très bon scénario ce soir pour le canular, j'adore. Indissociable qu'il est des barres de rire. Stéphanie, elle a plein. Actor Studio, le Jeff, putain. Ah, il était bon, il était super bon, l'éditeur. Merci, il était. Franchement, il était bon. Lilou qui dit aussi cacher un corps, la mort de rire, NCIS. Et alors Léa qui dit mort de rire, excellent le canular. Bah, vous avez bien kiffé, hein. Mon avis, on se le remettra dimanche soir. Bah, clair, oui. Ah, je pense, ouais. Steven qui est sérieux, vous êtes des malades. Et puis bah, il y a plein de messages. C'est des gros malades, ça fait deux soirs que je vous écoute. C'est magnifique, pété de rire au top. Bah, merci Steven, en tout cas, bienvenue à toi. Et bienvenue à tout le monde. Bon, allez, on se met le son d'Ellie Goulding maintenant, on revient juste après. Vous êtes là, Fred, Océane, Mickaël, Kevin, Caïs également et Romain. Ouais, tranquille. Ouais, ouais, je suis là, ouais, je suis toujours là. Ça, okay. ça vous a fait marrer là, Aldous? Franchement, non, ouais. Bon. À mourir de rire. Bon, ça, est-ce que vous voulez que Toff refasse le mec qui est perturbé là, qui est choqué? Ah, ouais, vas-y, allez, un petit coup, allez. Bon, allez, vas-y, attention, 3, 4. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. On dirait une femme qui accouche là. Exactement, ouais, on dirait une meuf qui accouche, c'est clair. Bon, allez, restez tous là, on va parler des plans 3 avec Fred. On va demander, on va voir aussi avec Mickaël et Océane qui voulaient parler du string, Kevin également, Romain pour la colle. Et on se fait maintenant le son d'Ellie Goulding. Ellie Goulding avec Burn sur Fun. On est au cœur de la nuit sans pub. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Il est minuit 30, on est là jusqu'à 2h. We don't have to worry about nothing. Sur Fun, c'était Ellie Goulding avec Burn sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Il y a plein de messages qui arrivent encore là. Je m'en souviendrai de ce canular. C'est Quentin, bah oui, nous aussi. Il y a Lucas qui dit vous êtes énorme. Vous êtes trop bon sur ce canular. C'est Tony. Il y a Lilou qui dit qui se renouvelle. Mickaël qui se renouvelle dans la délinquance. C'est clair. Et petit Lu qui dit moi je fais un gâteau au yaourt en vous écoutant. Vous en voulez? Oh bah ouais, ouais, bien sûr. Vas-y, n'hésite pas. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai eu une nouvelle idée aussi puisque Toff paye son Burger King. Alors demain, on va à Prague pour un week-end comme ça avec Toff et Polo. Et donc du coup on vous avait demandé de mettre en top tweet. Bah Toff avait dit si vous arrivez à mettre Toff paye son Burger King en top tweet, je paye mon Burger King demain à Prague puisqu'il y a ça là-bas. Et donc du coup j'ai chauffé Polo pour qu'il paye son Mojito. Ah voilà, non. Donc si vous pouviez mettre donc continuez à garder Mickaël en top tweet évidemment, en plus de Toff paye son Burger King, en plus de Polo paye son Mojito, et vous mettez aussi le hashtag Mickaël paye rien. Ça me paraît un bon plan. Ah bah oui, quel bon plan. Ah bah oui. Donc je l'ai mis sur le Twitter. Donc allez-y, je compte sur vous. Et histoire qu'on monopolise les 5 premières places. Et ben je m'engage. On est en top tweet Polo Pes. Je paye un Mojito. Ça fait plaisir. Et même s'il y a des auditeurs qui sont à Prague, et ben je leur paierai un Mojito. Non. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Donc tu payes ton Mojito. Tu payes ou tu payes pas ton Mojito? Ah, il a dit qu'il payait. Je paye mon Mojito. Allô. Ils ont buté les deux. Ah ouais, ça c'est bon, ça fait plaisir. Ah, j'adore. Ça, c'est bon. Allô. Bon, allez-y, donc top tweet. Donc alors il y a Mickaël, normal, bon là il est déjà en top tweet. Il y a Toff paye son Burger King, c'est déjà en top tweet. Donc faut mettre maintenant en plus des autres Polo paye son Burger King, Mickaël ne paye rien. Enfin, Mickaël paye rien. Voilà, donc allez-y, je compte sur vous hein. Avant 2h du mat, là, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver, je suis sûr. Il y a Noël qui dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le message de bienvenue de la meuf qui dit bah t'as qu'à demander à Valentin. C'est faux, on l'a mis hier, dans une seconde, d'abord ça. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Quelle horreur, mais quelle horreur l'autre là, sans déconner quoi. Bon, et eh ben... Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Allez, tu peux demander à Valentin. Bon, et avant de reprendre tout le monde là, bah, vous êtes toujours là, hein, Fred, Océane, ouais, Mickaël, ouais, Kevin. Ouais, ouais. Très bien, on a eu Marseille tout à l'heure là pour prévenir les filles de ne pas mettre de string puisqu'on est tombé sur une enquête hein, qui dit que le string serait mauvais pour la santé. Donc est-ce que vous voulez qu'on fasse encore un petit appel? Les ch'tis? Ah bah je sais pas, on va voir. L'autre auditeur nous avait précisé que c'était Marseille. Là c'est un numéro de téléphone mais on sait pas où on va. Bon, on y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, on y va. Allez, et restez là, on va vous reprendre juste après. Hein. Bah alors. Ah voilà. Et on fera un top tweetos aussi juste après. Pour voir où ça en est, tout ça. Je pensais que ça avait décroché. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre femme porte des strings. C'est qui là ? Moi, c'est Toff. Et t'es qui là ? Bah, Toff. Bah, qu'est-ce que tu veux là ? Bah, savoir si votre femme porte des strings. Mais ça te regarde ? Bah, oui, parce qu'en fait, c'est dangereux monsieur. Bon, ferme ta gueule et va te coucher parce que t'es en train de me prendre le cerveau. Allez, ciao, bonne soirée. Oh, quelle belle musique derrière. Dégueulasse. Ouais, bon, attends, on va... Bah, apparemment, on n'était pas dans le nord, on était plutôt dans le sud encore. Bon, on le rappelle. Attendez, tout le monde. On lui remet un petit coup gratuit, là. Allez. Allô? Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, j'ai pas eu le temps de vous prévenir. Bon, dis-moi, tu vas fermer un peu ta gueule? Tu vas aller te coucher un peu? Qu'est-ce que tu veux? Mais je voulais vous prévenir que c'est dangereux de porter des strings, monsieur. Bon, ferme ta gueule et compose notre numéro maintenant, t'as compris? Mais attendez, monsieur, moi je vous appelle pour vous prévenir, pour vous sauver la vie. Mais ferme ta gueule, casse-toi, allez, ciao. Oh, il pourrait quand même faire un effort. Bon, on le rappelle, on le rappelle, on le rappelle. Il est pas marrant. Non, il est pas marrant. Attends, attends, attends. Oh, la colo de ta mère, c'est fini maintenant ? Ah, je suis heureux que ce soit vous qui décrochiez, madame, parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer à votre mari qui portait des strings. Non, moi j'ai un bébé qui dort, tu as compris maintenant ? Si vous t'arrêtes, je porte plainte contre toi. Mais oui, mais moi t'as je veux... T'as compris ? Attendez, moi je veux vous sauver la vie, madame. Ferme ta gueule. Ah, attendez. T'as compris ? Ferme ta gueule. Ah merde, ils ont raccroché. Et en même temps, c'est elle qui hurle tellement qu'elle va finir par réveiller le bébé. Attends, on rappelle encore. Elle a une voix d'homme quand même. Ouais, un peu, mais t'entends surtout le mec derrière qui dit oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, attendez, on va les rappeler encore une fois. Dove, dis-leur que c'est eux qui réveillent le gosse à force de gueuler comme ça. Et je vais leur mettre quelques petits sons de nos amis là. Hein ? Oui, allons-y. Allez. Allez, on rappelle une dernière fois, c'est moi qui régale, c'est pour moi. Oui. Excusez-moi, mais c'est vous qui réveillez le petit à force de crier, hein, c'est pas moi. Attends, bouge pas. Je bouge pas, moi. Oui, tu disais quoi ? Mais je disais que c'est pas moi qui réveillais le petit, c'est vous qui arrêtez pas de crier. Hein. Ah, vas-y, alors raconte-moi ta belle histoire que t'as à me dire. À me casser les couilles. Mais voilà, moi j'essaye de vous expliquer que porter des strings, c'est dangereux pour la santé de la chatte de votre femme. D'accord. Et dis-moi, à cette heure-ci, t'as que ça à foutre ? Bah oui. Oui, mais et t'as quel âge pour me dire ça ? Bah moi j'ai 33 ans. Ah bah bravo, bravo. Bah merci. Bravo. Et toi, t'en mets pas des strings un peu ? Non, jamais. Ah, bah tu devrais en mettre, hein. Franchement, ça te serrait un peu les couilles. Hein. Bah oui, mais depuis que je sais que c'est dangereux, moi j'oserais plus en mettre. Hein. Ah, bah conseil, mets-en. Hein. Mets-en, ça te ferait du bing. Parce que j'aurais peur d'attraper des maladies. Hein. Ah, ça te fera pas de mal. D'attraper des maladies ? Bah non, monsieur, enfin, c'est pas très gentil ce que vous dites. Ah, bah ouais, bah pourtant. Hein. C'est quoi ton nom déjà ? Moi je m'appelle Toff. Ah, Toff. Ah, d'accord. Toff. D'accord. Ah, il est joli ton nom. C'est vrai, c'est gentil. Ça me fait plaisir que vous aimiez. Ah non, ouais, d'accord. D'accord. Bah écoute... Continue parce que la conversation elle est enregistrée. Hein. D'accord, ouais, je suis sur table d'écoute et vous allez transmettre mon durant à la police parce qu'en fait, les numéros masqués peuvent être démasqués. Continue bien, abruti. 33 ans, va te faire soigner la cervelle. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué ? Eh ta gueule. Et tu en plus, les flics de la famille en plus. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. On va dire touche pas ma fille parce que je vais te clasher les dents, t'as compris quand t'es mort, hein. T'as compris? Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Viens, attends, viens, chérie, viens. Au patringue que tu es, au PD que tu es, enculé, va. Mais que t'es mort, fils de pute. Et dis-moi, tu me connais pour me dire ça? Fils de pute que tu es. T'es enculé, connard. Ah, mais moi, je te parle, tu me connais pour me dire ça? Fils de pute, va. Hein? De Marseillais, va. Fils de pute, bon. Oh, je te parle. Tu me connais pour me dire ça? Je vous emmerde. Fils de pute. Et moi, je vais baiser ta mère, non? Bah, niquez tout, c'est grand mort. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Ah, moi, tu peux y aller, ma mère, c'est une grosse pute, une grosse chienne. Ouais, elle m'habite sur ton front. Vous me faites chier. Oh putain, oh bravo, je te félicite. Bah va te faire enculer, connard. Ouais, bah tu sais quoi, je vais éteindre le téléphone. Au baltringue que tu es, au PD que tu es, enculé. Elle est en train de se frotter un poteau, la conne. Bon, elle était au taquet là, elle était au taquet du taquet là. Bon, oh, putain, la violence. Oh, ouais. Hey. Elle était chaude. Elle la, était famille, chaude. La famille de ouf, la famille de psycho là, complètement dingue. Allez, 1-0, 1-0. De quoi, Kevin? 1-0, ben je lui mets 1-0 là, et je lui mets un strike. À qui tu parles? Rappelle-le. Ah oui, non, bah c'est bon, mais t'inquiète, là, on en a d'autres. Coupait, là. Ouais, on en a d'autres, en plus il a dit qu'il coupait le téléphone, ouais, donc, mais c'est pas grave, On en aura d'autres. Non, on en aura d'autres. Une voix d'homme. De quoi, Océane? Dégueulasse. La meuf, c'est une trans, non? Parce qu'elle a un peu une voix d'homme. Je sais pas, mais elle a pas aimé qu'on parle de ses enfants, a priori. Ouais, non, c'est pas moi, c'est le corse. Tout de suite. C'est ça, moi j'ai rien dit. Bon, revenons au problème, là. Mickaël, qui nous avait appelé de tour, là. T'es là, Mickaël? Oui, je suis là, oui. Bon, ok, toi, tu voulais réagir par rapport à tout à l'heure en disant que, enfin, il y avait, comment il s'appelait l'auditeur, le premier, j'oubliais, Marvin. Marvin. Ouais, Marvin. Oui, ouais. Il avait des problèmes. Bah, pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il était en kiff sur sa prof, et sa prof est en kiff sur lui aussi, il savait pas quoi faire. T'es déjà sorti avec ton prof ou ta prof, toi, Kevin? Ma prof, non, mais je suis déjà sorti avec deux meufs et j'ai jamais eu des problèmes de, voilà, tu vois, des d'érection, je sais pas quoi. Ah, mais toi, tu veux réagir à Fred, toi, alors, pas à Marvin? À Marvin? Bah, je sais pas, moi, il y en a un, il avait des problèmes d'érection. Ah oui, bah, c'est ça. Il prenait des pilules. Alors, c'est par rapport à Fred, ouais. Fred? Ouais. Bon, toi, tu nous as appelé parce que t'avais fait un plan 3 et... Non, mais j'ai pas eu de problème d'érection, mais c'est juste que j'ai pris les pilules, ça a marché pendant le plan, mais après, du coup, après, il y a plus rien qui marche après. Ouais, maintenant, t'arrives plus à bander. Voilà. Bah, et toi, Kevin, t'as déjà pris des pilules, des cachetons ? Oh, j'ai pas... Non, franchement, j'ai jamais pris de pilules, j'ai jamais eu besoin de pilules, mais j'ai jamais eu un problème d'érection, tu vois ? Ouais. C'est ce que je veux dire. Oui, on a bien vu que ça marchait bien, quoi, apparemment, Kevin. Bah, toujours au top, tu vois, Oui. Franchement... Et toi, Michael ? Ça me fait chier, hein. Tu prends des pilules, arrivé là, t'arrives plus à bander, franchement. Bah, tu m'étonnes. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. À mon avis, j'ai rien contre ça, mais à mon avis, peut-être, faut qu'il aille voir les hommes, peut-être. Mais non, il a fait un plan 3, Kevin, il a fait un plan à 3, il avait décidé de prendre des pilules pour assurer, sauf que le problème c'est qu'il a fait des mélanges de pilules et donc du coup maintenant il arrive plus à bander. Ouais, il a bu de l'alcool en même temps, ça veut dire. En plus, Fred ou pas? Non, il y a eu du joint. Ah bah bravo. Mais voilà, fallait dire aussi. Mais oui. Bon, attends, et toi Mickaël, tu veux dire quoi toi? Bah moi je voulais dire que en fait il y a quelques temps j'étais à l'hôpital et en fait on m'a donné des médicaments. Ouais. Et en fait je suis sorti de l'hôpital et en fait j'arrivais plus à bander non plus. C'est con. Ouais je sais, c'est con, moi aussi je rigolais. Et c'est que le pire en plus, j'ai voulu aller voir une pute et j'arrivais pas à bander. C'est con ça, parce que t'imagines tu payes la meuf et il se passe rien. Ouais mais est-ce qu'elle a remboursé? J'ai pas payé derrière. Ah non, j'ai pas payé. Non, par contre j'ai pas payé. Ah bon, ben ça va alors, c'est le principal. Attends, c'était remboursé par la sécu ou pas, comme tu sortais de l'hosto? J'ai essayé, mais ça marche pas. Oh merde. Mais t'allais voir un mec ou pas? Ouais, t'aurais dû donner ta carte. Bah oui, la carte vitale. Bah oui, t'aurais dû la donner, on sait jamais, Mickaël. Bah oui, ouais, j'aurais été remboursé, hein. Bah oui, bon, et sinon, par rapport à Fred, Mickaël, du coup, toi, t'as récupéré toutes tes fonctionnalités ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai récupéré, ouais. Ah bon, au bout de combien de temps? C'est sûr. Au bout de combien de temps? Le drapeau il monte ou pas? Attends, Kevin, là, il arrive pas à placer le pauvre Mickaël. Au bout de combien de temps? D'accord. Oui, d'une ou deux semaines. Ah oui, quand même. Et toi, Fred, tu les as prises quand les pilules là? Moi, je les ai prises samedi soir. Oh, bah ça va, t'as encore un peu de temps, Fred. Hein. tu reviendras avant, j'espère. Bah ouais, tu vas bander mou encore un petit peu, puis ça ira mieux. Attends, il y a aussi Case. Alors, comment on dit Case ou Case? Tu te rends compte quand ça t'arrive. C'est quoi? Case. D'accord, ok. Bah bienvenue, Case. T'appelles du 69, toi également, de Solèze. Ouais. Bon, t'as pris les cachetons aussi, toi, comme Fred? Ouais, mais moi, le souci, c'est que j'ai réussi à rebonder après, normal. T'as réussi à quoi? J'ai réussi à... Ça revenait, c'était normal. Mais t'avais aussi fait un mélange ou pas? Ouais, j'ai pris de l'alcool avec. Oh là là, en plus, avec du Viagra? À poser. Vas-y, hein? Kevin. Ouais, j'ai une question vite à poser, c'est... Vous prenez une pilule parce que vous avez des soucis et vous n'arrivez pas à... assumer, ou alors vraiment vous êtes dans des moyens réduits et vous avez... y a pas de recours? C'est juste que quand je bois de l'alcool, j'arrive pas à bander après. Bah oui, mais bon, normalement tu dois durer plus longtemps avec mais tu peux aussi moins bander. Kevin, je t'en supplie, montre le son dans ton téléphone. D'accord, je monte le son. Bah monte le son dans ton téléphone parce que du coup parfois tu parles et parfois quelqu'un est en train de parler, mais comme t'entends pas, du coup tu parles aussi et on n'entend plus rien. D'accord, y a pas de soucis. Voilà, de soucis. Donc tu disais donc Mickaël, donc ouais le fait de boire de l'alcool en général ça peut te faire tenir plus longtemps comme disait Kevin. Ouais, lui aussi. Bah non, parce que moi ça monte pas. Car... Ouais c'est ça, t'as beaucoup plus dur à bander quand tu bandes. Oui mais une fois que tu bandes, tu tiens plus longtemps. Enfin tu peux tenir plus longtemps. Du whisky, vous verrez. Mais c'est tellement dégueulasse à boire ça. Enfin, moi, je déteste ça. C'est quoi qui est dégueulasse? Le whisky, moi, je déteste. Ah, c'est dégueulasse le whisky. Ah, moi, j'aime pas. Non, moi, j'aime. Ah, bon, whisky coca. On a une bonne vodka, ça passe tout seul. La vodka, c'est une alcool de meuf, wesh, la vodka. Ah, bah, je préfère. Ouais. J'aime bien les alcools de gonzesse, moi. Bon, et donc, Case. Hey, Case. Ouais. Bon, et du coup, donc, toi, ça fonctionne aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Bon, bah, très bien. Bah, Fred, cela dit, il va quand même voir un médecin hein, si jamais ça dure encore quelques jours. Non, mais de toute façon, je te rappellerai de toute façon si ça revient. Bah, voilà, très bien, on t'enverra chez le doc, y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Bon, bah, merci les mecs, hein, Caïs, Kevin, Mickaël, merci à vous d'être passés. Je peux passer une dédicace ou pas? Vas-y, Kevin, à une seule personne. Je passe une dédicace à mes potes d'ici, à Joe, Quentin, Benji, une seule personne, Kevin. Espagnol, et puis, Kevin, voilà. Kevin, qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne? Une personne? Ouais. Ok, je passe une dédicace. Non, mais toi, tu l'as déjà fait, et Kevin, tu le fous de ma gueule un peu, non? De quoi? Bon, salut Kevin. Je fais un gros big up. Ciao, Kevin. Merci à toi. Allez, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Vas-y, Fred. Une seule question. Ouais, bah, toute l'équipe de Fun Radio, parce que grâce à vous, j'étais élu le meilleur employé le plus drôle du mois. Non, ça, c'est bon, ça, Fred. Parce que j'ai été chopé dans les toilettes en train de chanter une chanson d'Avicii. Bon bah nickel, bah écoute donc, Fred, voilà. Bah merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Et puis je vous rappellerai de toute façon, normalement ça va marcher. Allez, bonne soirée. Ça marche, ciao à toi Fred. Petite dédicace aussi, petite dédicace possible pour moi. Eh bah vas-y Mickaël, allez vas-y, comme tu t'appelles Mickaël, toi tu peux faire à qui tu veux. Pour Fred, Tony, Adrien, Kavit, Chinon. Très bien, et bah voilà, message passé, pas de problème. Salut Mika, salut Caïs. Salut. À bientôt, ciao. Merci à vous. Dans un instant, la colle, la réponse, ce sera avec Romain. D'ailleurs, on peut en profiter. Une dernière fois, Romain, avant de faire le tirage. Tirage au sort, donc, Romain, répète la colle, s'il te plaît. On me prend sans me toucher. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? C'est bien ça? Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben vous envoyez tout simplement M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Ah, ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, donc à vous de jouer maintenant pour gagner votre PC portable ou alors la caméra numérique. Allez-y, tirage au sort dans 5 minutes. Donc si vous avez la bonne réponse, on me prend sans me toucher. Qui suis-je? Vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse. Il n'en peut plus. Au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, surprise. Océane. Oui. Il y a un son comme ça que tu kiffes en particulier ou pas? Tsunami. De Dubs. Ouais. Alors attends, parce que je l'avais pas sous la main, celui-là. Attends une seconde, je vais le chercher. Hop là. Tsunami Dubs. Voilà, hop là. Celui-là donc. Voilà. Ah oui. Eh ben, je te le mets pour toi, Océane. Ah merci, c'est gentil. Avec plaisir. Et on revient juste après, avec toi justement, Océane, pour parler notamment du string là. Et on va encore faire d'autres appels aussi à propos du string. Hein. C'est Mickaël de Limite, il est minuit 49 au cœur de la nuit sans pub sur Fun. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, no limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Minuit 53 sur Fun, bienvenue si vous venez débarquer. Bon, j'ai plus de voix nous, hein, comme d'habitude, à force de gueuler là. Et il y a Dédé qui dit Toff paye son Burger King et Mickaël, respectivement premier et troisième du top tweet. On est des champions, mais alors vous êtes encore plus au top puisque vous avez réussi à nous taper dans le top tweet sur Twitter. Donc Mickaël paye rien, Toff paye son Burger King et Polo paye son Mojito. Donc là, comment vous expliquer que vous êtes pas au top, vous êtes au-delà du top? C'est-à-dire que grâce à vous, demain on va à Prague. Moi je paye que dalle, Polo paye son Mojito, Toff paye son Burger King. Je vais être rincé tout le week-end, moi ça va être à la fête. Ça va être la fête totale. Il y a Pierre qui dit faut un coup de pelle à Kevin pour le réveiller. Bah comment ça il dort là? Il est sérieux ou pas là maintenant? Ça veut rien dire ça. C'est ça qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, bien sûr. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, c'est cet off en mode acteur studio à l'instant. Enfin à l'instant, il y a quoi? Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Dans le canular qu'on a fait avec Jeff qui était juste magistral. On vous le remettra si vous voulez, pas de problème. Elle a fait enculer au clochard. Voilà, Tessa, tu l'as eu du coup. Et puis un message aussi qui dit ça promet ce week-end à Prague, éclatez-vous là. Bah oui, ouais, au taquet, vous inquiétez pas, on vous tiendra au jus évidemment tout au long du week-end hein, sur Facebook, Twitter et Instagram. Il y a Raimondo aussi qui dit salut Mickaël, justement je veux te dire que vous êtes énorme et en fait je suis espagnol, je apprends le français depuis 2 ans et je vous écoute tous les jours. Vraiment, vous me faites rire tous les soirs. Et ben muchas gracias Raimundo. Et il y a Pierre aussi qui dit attends c'est quoi, elle enregistrait la conversation et il arrête pas d'insulter au téléphone. Oui c'est vrai, c'est le collègue tout à l'heure là, la meuf du sud. Mais quel ouf. Ouais, j'enregistre la conversation etc. Il y a un message qui dit est-ce que tu lis les messages SMS aussi ou que Twitter et Facebook, parce que j'aimerais aussi avoir mon message de bienvenue. Ah non, je lis les messages aussi sur les SMS hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Tu veux un message de bienvenue? Eh ben voilà. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Voilà, et pour envoyer vos messages, vous pouvez le faire évidemment hein, vous envoyez simplement M-I-K-L au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. Et leur message aussi qui dit Mickaël, je veux un beau message de bienvenue à la Corse. Ah ben écoute, à la Corse, si tu veux, je te mets même l'intégralité. Ah t'as été coupé mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, et Maxime qui est mort de rire, Toff qui est paniqué, il aurait dû repartir avec le scout. Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu paniqué tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont raté le truc là. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Ah, on sent qu'il a déjà été acteur. Mais oui, j'étais un très grand acteur dans très grande émission de télé que personne ne connaît. Ah oui. Comment ça s'appelait encore cette merde? Ça va se savoir. Ça va se savoir. Ah oui, Teuf qui était acteur. Ah oui, il a été acteur. Simon Monceau. Avec Simon Monceau. Il faudrait qu'on retrouve la vidéo qu'on avait sur le Facebook. Je pense qu'on peut se taper des barres aussi à l'occasion, ça. Bon, et il y a Dité aussi qui dit ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu le message de bienvenue de la meuf qui dit bah t'as qu'à demander à Valentin. Ah si, je l'ai déjà passé tout à l'heure et en plus j'ai déjà lu le message. Et Teuf, t'es trop déliré. Tu fais trop déliré, tu me fais marrer avec ton cri. C'est Brittany qui avait envoyé le message. Bon, on va faire le top Twittos également. Alors, on va faire un petit point maintenant. Là, il est presque 1h du mat. On fera le top Twittos tout à l'heure à 2h du mat. On verra donc quel est l'auditeur de la soirée, quel est le meilleur auditeur, l'auditeur qui a été le plus influent avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, continuez, vous avez encore une heure pour le faire. Vous mettez le hashtag M-I-K-L. Voilà. Bon, allez hop, on se fait le numéro 5. Non. Comment ça, non? Non. Bah vas-y. Bah non. Oh, c'est encore bon? Bah non. Oh, la machine. T'es à combien là? Je suis à 57. Oh putain. 60. Bon bah tu sais quoi, on va prendre 70. Non mais t'emmerdes pas. 75. On va se faire les teubés de la télé en attendant là. Tu regardes souvent la télé ou pas toi, Océane? Ouais, ça va. Ouais. Mais bon, ma télé elle marche plus, donc ça aide pas. Et bah attends, parce que dans le mag, il y avait le Max Santé de Michel Simès là, il nous explique pourquoi un P ça pue en fait. Alors écoutez. Est-ce qu'il vaut mieux que le P sente le P ou que le P sente l'ail? Surtout que médicalement parlant, il y a quand même une finalité. Si les paix sentent mauvais, c'est pour que les malentendants puissent aussi en profiter. Alors. Oh, quel con. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Et alors, dans l'île des vérités, la Ju qui est évidemment encore d'une grande classe. Hein. C'est comme en fin de soirée, j'ai faim, j'ouvre le frigo, je prends les restes. Donc voilà, en ce moment, les restes, c'est Manon et Laura. Ah ben voilà, Manon et Laura, grande classe. Et puis, il y a Yem aussi hier qui ne savait pas ce qu'était une éolienne. Hein, je vous l'avais diffusé. Et donc, il nous montre qu'elle connaît pas non plus très bien le français au final. Hein. Mais en tout cas, il en faut pour tous les goûts. C'est pas bizarre, mais moi, je suis sûr qu'à l'écran, il y en a que ça leur plaît. Et il y en a que ça leur plaît. Il y en a que ça leur plaît. Mais il y en a que ça leur plaît, évidemment. Oui. Bon, allez, top tweetos, numéro 5. Ça a planté. Non, mais tu te fous moi, quoi. Oui, alors, c'est vrai, j'étais en numéro 5. Hein. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Bon, alors, numéro 5. Sheva GTR. Numéro 4. God bless Holly. Bon, pour l'instant, c'est le top provisoire, évidemment. On fera le final à 1h, à 2h du mat, à 5h, à 2h du mat. Numéro 3. Morgan 88S. Très bien, numéro 2. Le Prince Nadia. Et numéro 1. Let's be freaks. Let's come be back. Freaks, qui est de retour, parce que hier, elle n'était pas du tout dans le top 5. Hein. Non, non. Bon, et bah très bien, bah voilà, à vous de jouer maintenant. Je compte sur vous, bien sûr. Hashtag Mickaël au maximum, puisque vous avez réussi à mettre le hashtag Mickaël, le hashtag Toff paye son Burger King, le hashtag Polo paye son Morito. Et le hashtag est Mickaël paye rien. Et je vous remercie vraiment d'avoir mis tout ça au bon endroit. Ah, ils sont forts, endroits, ils sont forts. Sur Twitter, ouais. Vous êtes au top. Bon, OCS String, maintenant avec toi alors. Hein. Oui. Bon, très bien. Alors, on avait évidemment eu l'occasion de tomber sur cette enquête, cette information très importante. Ah, qui oui, disait, vachement, ouais. Mais oui, qui disait que le string pouvait être dangereux pour la santé. Et on avait demandé aux filles justement si elles mettaient des strings ou pas. Et on appelle des gens depuis le début de l'émission bah, pour les prévenir que le string peut être dangereux. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, toi, comment ça se passe, Céane? Bah, je trouve ça quand la personne qui est propre qui a changé son string tous les jours, je vois pas où est le problème. Hein. Bah, en fait, apparemment, le problème viendrait que les bactéries du cul, en fait, passent dans le vagin. Ah ouais, elles glisseraient, quoi. Elles glisseraient bah, à cause du fil. La plupart passe. Des gens connaissent la douche, quand même. Ça n'a rien à voir. Non, mais d'accord, mais tu prends pas une douche, genre, tu vas aux toilettes, tu prends pas une douche direct après. Bah non, mais bon, tu t'essuies, quoi. Non, enfin, sais pas. Non, mais d'accord, mais il reste quand même, malgré tout, des bactéries, tu vois, c'est pas propre à 100%. Bah, oui. Il existe des lingettes intimes. Ouais, enfin là tu vas loin quand même. Ouais, mais tu rentres dans le détail, Océane. Franchement, le nombre de gens qui utilisent des lingettes intimes pour nettoyer le fion, je crois que t'es la seule que je connais, enfin, a priori. Ah, je connais personne d'autre qui utilise des lingettes intimes. Tu utilises des lingettes intimes, ben toi, oui. Sandro? Ouais. Oh là là, bah deux, tiens. Voilà, je suis pas seule. Ah bah voilà, c'est ça, exactement, ouais. Merci, Sandro. Non, mais pas de problème, hein. Moi je crache sur... Non, je... Non c'est vrai. Bon, il y a Enzo qui dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu la mob, là. Vous êtes trop bien jusque-là. Bah, si, attends, la mob, il est parti avec... Bah, je vais partir avec Aprague. Hein. Bah, oui, on va la prendre avec Aprague. Hein. Océane, tu veux faire un tour sur la mobilette de Toff? Allez. Bon, t'as ton casque? Viens. T'as ton casque et ton string, ouais, tu l'as. Bon, c'est bon, et t'as passé, là. Et t'as nettoyé tes fesses avec ta lingette à Tim. Oui, c'est fait. Bon, allez, c'est parti. Oupla. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Qu'est-ce qu'il était talentueux quand même, Océane, dans l'Actor Studio tout à l'heure dans le. Ouais, franchement, dans le canular. Il a géré. Ah, merci, oui, oui, Océane. Oui. Mais il faut qu'on le remette. Hein. Tu veux le réentendre ou pas? Non, c'est pas, j'ai mal à l'estomac là. Non, mais on le remettra dimanche de toute façon, le canular. Il était juste magnifique. Bon, bah, Océane, merci à toi d'être passé en tout cas. Je te fais des bisous. Salut, ciao à toi, Océane. Et on a Anne-Claire avec nous maintenant, des Mureaux dans les Yvelines. Bonsoir, Anne-Claire. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Est-ce que t'as entendu le canular qu'on a fait tout à l'heure là? Ah bah oui, ah bah obligé. Alors, enfin, bon, je vous écoute un peu tous les soirs. Quoi, ah bah très bien, t'as kiffé ou pas? Ah ouais, franchement, c'est pas trop drôle. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. C'est quoi? Et comme tu as kiffé Anne-Claire, combien il y a la mafia et un sniper derrière. Tu disais c'est quoi? C'est bien drôle. J'ai kiffé, c'était bien drôle. Ah bah ouais, bah j'espère. Est-ce que je peux avoir le silencieux là? Ah, voilà. C'est énorme. On se serait cru dans James Bond. Exactement, exactement. Bon, alors Anne-Claire, combien mesures-tu? 1m72. Combien pèses-tu? Attends, 63. Ah, c'est d'accord, quel est ton tour de poitrine? J'aime bien le attends, c'est genre aller sur la balance. Alors attends une seconde, là, ah ben 63. 95D. Bon, ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui. Ah oui, effectivement, je pense que nous pouvons confirmer tout ça. Tiens, tant que t'es là, parce que c'est pas pour ça que t'as appelé Anne-Claire, mais c'est pas grave. Je voulais vous demander comment vous avez déjà rompu avec votre ex dans un, parce que d'après un psy américain, en fait, il dit tiens la meilleure méthode. Donc, je vais vous la raconter dans quelques minutes, mais je voulais savoir comment ça s'était passé, vos pires ou meilleures ruptures. Bah, n'hésitez pas. C'est quoi toi ta pire ou meilleure rupture du coup, Anne-Claire? La pire. Qu'on largue par SMS quoi, enfin c'est. Ah ouais, donc c'est quoi qui, toi qui as rompu par SMS ou c'est lui qui t'a viré? C'est lui qui m'a viré par SMS. Oh quel enculé. Oh ça se fait pas, ouais. Hein. Oh ouais, ça se peu, fait ouais. Pas, quel enculé. Et si tu devais lui dire un truc là maintenant, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que j'aimerais bien récupérer. Ah ouais, moi je lui aurais plutôt dit ça. T'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Voilà. Non mais c'est vrai. C'est un peu récent quoi. Non mais il faut pas te laisser marcher dessus, c'est tout. Tu veux que je t'envoie Toff? Oui, je vais te consoler. Non, je vais te consoler. Écoute, c'est dommage, hein, parce que. Bah, je préfère toi, Mickaël. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne peux pas, il est pris. Il faut te rabattre sur les restes, les miettes. Oui. Toutes les femmes le veulent, il n'a qu'une bite. Sur les miettes. Oui, je ne peux pas. Je ne peux bon, pas bah, partout. Je veux bien Toff alors. Voilà. Non, Anne-Claire, tu m'as déçu. Ouais. Anne-Claire, tu m'as déçu. Ouais. Ouais, mais si Anne-Claire a compris. Ouais, bah elle a compris que rien du tout. Ouais. Bon, Anne-Claire, de quoi tu nous parles, toi? De quoi on va parler plutôt avec toi? Et en attendant, par rapport aux ruptures, les filles, les garçons, appelez-nous. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, qu'est-ce qui se passe, Anne-Claire? Bah en fait, moi je vais me faire un piercing demain et j'aurais voulu avoir un peu des conseils. Oh, piercing, tu vas le faire où le piercing? Au nez. Le piercing au nez, d'accord. C'est le septum ou c'est sur le côté? C'est le septum. Ah, moi j'aime bien. C'est comme les non, vaches, pas, le non, non, là. Non, pardon, excusez-moi, non, c'est sur le côté. Ah, c'est sur le côté. Parce que moi je kiffe le septum. Ah, moi je trouve ça moche. Ah, moi j'adore. Désolé pour ceux qui ont ça, hein, ou les mecs, mais moi je trouve ça moche, l'espèce d'anneau que vous mettez comme ça entre les deux, au milieu du nez là. C'est moche. Non. On dirait une vache. Alors que le petit diamant sur la narine, moi je trouve ça hyper kiffant. Oui, pourquoi pas. Bah ouais, moi je préfère. Bah ouais. Mais pourquoi tu veux faire ça en fait? C'est un kiff comme ça ou. Ouais, parce que ça fait déjà au moins 2 ans que je veux me le faire, donc voilà. D'accord, ok. J'ai attendu d'avoir les sous pour le faire. Bah, et Toff, il peut en parler, il a un piercing au niveau de la bite. Mais oui. Mais oui, alors justement, on lui avait mis un spray endormissant dans l'urètre. Franchement. Alors, l'urètre, c'est le petit endroit où il y a le pipi qui sort, hein, donc c'est microscopique et surtout, quand on met un truc dedans, ça doit faire un mal de chien. Mais non, ça fait pas mal. Mais si, à mon avis, ça doit faire mal. Mais pas du tout. Franchement, j'ai rien senti quoi. Non, t'as rien senti, arrête ton cinéma. Le moment le plus dur, c'est. T'as rien senti, elle fait oui, on va piquer. Allô. Ils ont buté les deux. Non mais le moment le plus dur en fait c'est quand elle rentre le tuyau du spray anesthésiant, c'est tout, après tu sens plus rien. Allô. Ouais, bah parce que j'avoue que j'ai déjà un piercing mais là je veux m'en faire un deuxième. Mais il est où le premier? Au nombril. Ah oui d'accord. Ah c'est un classique ça. Ouais classique. Moi j'aime bien. Non c'est pas classique. Bah si, il y en a classique dans le sens où il y a beaucoup de filles qui en ont un au nombril quoi. Ouais c'est sûr. Bah oui voilà. Moi, je fais pas comme les autres, quoi. Bah si, un peu. Bah si, parce qu'au final, au niveau du nez et du lombril, il y en a quand même beaucoup. Tu m'aurais dit, j'en ai fait un dans le fion. Dans le fion, ouais, là, je t'aurais dit, ok, là, t'es original. Ça a pas trop grand intérêt, mais t'es original, c'est vrai. Bon, écoute, on va en parler, reste avec nous. Si vous avez déjà fait les piercings, justement, bah appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et il est temps de donner la réponse également à la colle, maintenant, Roman, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est ça. Note, au plus on attend, au plus t'as de chance de gagner, hein, mais bon. On y va, dans le sens où bah plus l'heure passe, évidemment, moins il y a de chance que quelqu'un décroche. Si quelqu'un décroche et a la bonne réponse, il gagne. Si il ne décroche pas ou s'il a la mauvaise réponse, tu gagnes. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Martial. Salut Martial, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et il y a Romain qui a une colle et une question à te poser. Romain, vas-y. On me touche. Non, on me prend sans me toucher. Alors, qui suis-je? La photo. Ah, et merde. Eh ouais. Perdu. C'est ça qui est bon. Eh ouais, bravo. C'est ça qui est bon. Bon, comment tu t'appelles encore, j'oublie nous. Martial. Martial, oui, c'est ça, excuse-moi, Martial. Très bien. Caméra numérique, ça t'intéresse, Martial? Ah, je suis preneur. Eh bah, t'es preneur, on va te la filer, tu vas pouvoir faire des films porno avec, ça va être cool. Ah non, je vais faire des films en soirée parce que je suis disque jockey. Ah d'accord, ok, très bien. Moi, je pensais que t'aurais pu faire éventuellement quelques petites vidéos pour YouPorn, mais bon, tant pis alors. T'en se rabattra sur les anciennes. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Eh ben écoute, Martial, reste au standard, on va te filer ça. Et puis Romain, ben, on va quand même te filer un pack Fun Radio. Hein. Allô. Oui. Oui, Romain. Ah non, rien. Ah d'accord, je pensais que tu avais dit un truc. Bon, ben, bonne soirée à tous les deux. On vous laisse au standard. On va prendre toutes vos coordonnées. Merci beaucoup. Qui veut faire une dédicace? Merci. Moi, Romain. Ah ben voilà, donc tu vois que tu voulais un truc. Vas-y, on t'écoute à une seule personne. Hein. Bah, dédicace à toute la manacade d'Olivia. D'accord. Eh ben, message passé, pas de problème. Salut. Salut. Allez, à bientôt Romain, ciao à vous. Bon, et puis on va prendre Anne-Claire le retour. Alex et Aurélien, vous êtes à tous les deux? Enfin, tous les trois? Oui. Ouais, très bien. Aurélien. Parfait, on va parler rupture dans quelques minutes. Anne-Claire aussi qui va se faire un piercing. Demain, elle voulait des conseils, voir un peu si ça fait mal, pas mal, etc. Elle veut le faire au niveau du nez. Donc allez-y, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Si vous voulez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Puis on va se faire au cœur de la nuit sans pub ce soir sur Fun Radio. Le son de Crewella, c'est Live for the Night. Bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on va encore faire quelques petits appels. Ça me paraît pas mal, oui. Là, hein. Quelques petits appels, Anne-Claire. On appelle encore quelques petites personnes là, par rapport au string. Ah bah oui, enfin d'ailleurs, moi c'est pas pour les strings. Non, je sais bien, mais toi-même, est-ce que tu portes des strings ou des boxers ou tu fais quoi? Ah bah je porte des strings, c'est mieux. Mauvais pour la santé, paraît-il. Oui, il faut que tu fasses attention. Oui, c'est plus sexy, je suis d'accord avec toi, mais c'est alors mauvais ça, pour la santé. Alors ça, je suis pas santé. D'accord. Un bon... Ouais. Non, si t'as des petits non, mais t'as des shorties qui sont beaux aussi, évidemment, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, écoute, le but, c'est que évidemment, on prévienne un maximum de personnes hein, pour leur dire que c'est mauvais pour la santé. On est là aussi pour aider, n'est-ce pas ? Faisons un peu de prévention. Voilà, un peu de prévention, ça me paraît honnête. Et tout à l'heure, on était tombé sur la meuf qui était complètement barrée, là, avec qui j'ai mis quelques extraits, qui répondait aux extraits, donc elle était encore plus barrée que je l'imaginais. Et on va donc appeler maintenant, bah, je ne sais pas où, c'est parti, on y va. Prêt? Ben, je suis toujours prêt, moi. Et on va se le remettre aussi un petit extrait tout à l'heure là. Ne bougez pas de là. Allez, 1h12 là, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Et puis on appelle maintenant, je sais pas où on va, mais on y va. Reste avec nous, Anne-Claire. Oui, je suis avec vous. Très bien. Bah, et... soi-disant ça a décroché. Ah. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme portait des strings. Portait ta mère. Non, c'est pas ce que je vous ai demandé, monsieur. Et ta mère qu'elle porte des strings, non? Non, non, mais non, ma mère, elle a arrêté, monsieur, parce qu'en fait, c'est très dangereux. Elle va te faire enculer. Ah bon, on l'a dérangé en pleine nuit, donc bon, on rappelle. En pleine nuit, vu comment va la télé. Oui, c'est pas faux, c'est vrai qu'il est un peu fort avec sa télé. Bon, on rappelle. Puis avec Global DJ, c'est aussi avec Kids tout à l'heure. Allez. Oui, excusez-moi monsieur, mais moi je vous appelle pour sauver la vie de votre femme et vous le prenez comme ça. Oh mais tu te prends pour qui? Va niquer toutes tes morts, gros fils de pute. Mais attendez, monsieur, allô. Va niquer quoi ? Tout est quoi ? Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Ouais. C'est original, pourquoi pas. Bon, on en appellera d'autres. Hein. Oui, oui, j'avais oublié. Ouais. Celui-là, en même temps, on l'avait bien. Hein. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure. Ils sont tellement sympathiques. Trop gentils avec mais vous. Mais oui, bon, on va parler... C'est vrai qu'il donne envie. Hein. Ah, t'as vu un peu hein. On va parler des ruptures dans un instant avec Alex. Et puis, il y avait Eduardo qui est avec nous de Chartres. Là. Bonsoir, Eduardo. Wow, ça va quoi ? Bah, ça va, je perds ma voix, mais c'est la fin de la semaine. Donc, on va aller la reposer à Prague ce week-end avec un petit Burger King que toi vas payer, avec un mojito que Polo va payer. Ouais. Et moi qui ne paierai rien, donc c'est parfait. Oui, un petit mojito. Le rhum, ça fera du bien pour la gorge. Ah, hein, il faut soigner tout ça. Bah, exactement, exactement. Bon alors, Eduardo, t'avais des conseils à filer, toi, pour par rapport à Anne-Claire. Est-ce que t'as déjà fait des piercings et où ? Ouais, j'ai fait un vieux piercing au téton. Franchement, ça fait, je déconseille. Ça, c'est pourri, mais tu sais quoi ? Depuis, j'ai eu quelques meufs et je sais pas, elles kiffent trop, tu vois. S'amuser à lécher... Un piercing au téton, elles kiffent ça ? Ouais, mais je trouvais ça bizarre. Tu sais, au début, je voulais me l'enlever. Et une fois, bah... Il y a un petit truc, elle dit ah machin, je kiffe trop machin, et après bah voilà, toutes les meufs elles m'ont dit bah c'était bien. Donc je déconseille, d'un côté je conseille. Mais alors tu déconseilles parce que ça fait un mal de chien ? Ouais, franchement ouais, ça fait vraiment mal. Ouais. Et après ouais, quand tes potes ils viennent te voir, ils te pensent ouais comment tu vas et ils t'arrachent le téton. Oh les connards, tu peux leur mettre une patate hein, ça c'est Ah ouais, une bonne patate pour leur dire hey, mon téton s'il te plaît. Ah mais oui, bah bien sûr. Bon et du coup Anne-Claire ? Oui. Au téton, t'as pas envie d'en mettre, toi ? Ah non, ça va aller, non. Ah, non. D'accord, okay. C'est dommage, moi je trouve ça sexy. Ah, moi je trouve ça moche et je trouve ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai que c'est moche et quoi. Aucun intérêt, j'irai pas jusque-là. Ah, moi, j'aime bien. Non, aucun intérêt. Non, mais pour les mecs, ça fait bien, mais pour les filles, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, et encore, hein, faut que le mec il soit bien bâti, c'est n'importe qui peut pas le mettre, quoi. C'est comme les Marcel, tu vois. Ça va bien, des mecs sont super, super baraqués, mais après, un monsieur tout le monde, ça passe pour un con, quoi. Donc voilà. C'est comme les meufs avec un piercing sur la langue. Ah non, mais non, Mais je m'en sers la langue aussi après. Quand tu te fais pomper, c'est vachement bien. Ouais. Bah, j'ai déjà essayé, moi. Je trouve ça moins bien, moi. Non, mais tu sais pas te faire sucer. Oh, tu te fais sucer par des meufs qui savent pas faire. N'importe quoi. Attends, moi, je peux te présenter des meufs qui ont des piercings sur la langue, qui savent s'en servir. Je peux t'assurer que tu sens la différence. Hein. Non, ouais, mais en même temps, vu la gueule des meufs, tu vas vomir à un moment donné. Oui, mais c'est ça. Il est pas obligé de regarder. Il a qu'à fermer les yeux. Non. Franchement, je préfère qu'on me suce plus à vie. Terminé. Non, mais c'est vrai. C'est voilà. Je sais pas. J'ai essayé. J'ai pas trouvé ça kiffant. Mais t'as pas essayé avec la bonne meuf, c'est pour ça. Parce que moi, je sais pas. Parce que moi, je veux m'en faire un à la langue après. Ah ouais? Bah, fais-le, Anne-Claire, et on essaiera ensemble, je t'explique. Moi, je suis intéressé à la langue. Tu m'appelles direct Eduardo, et d'un tout cas, ça, et tout ça. Mais oui, c'est ça, l'autre, il fait ses courses en même temps, tiens. Eh, dites-nous, cela dit, les mecs, est-ce que vous avez déjà essayé avec des meufs qui avaient un piercing et trouvé ça mieux? Est-ce que vous trouviez ça mieux? Moi, j'ai pas trouvé ça mieux. Non, c'est pas mieux. Il y a un truc différent. Oui, moi, je trouvais ça différent, mais moins bien. Ah non, non. Voilà, c'était mais différent. Pas, non, c'est mieux. Mais pour moi, c'était moins bien. Merci, Eduardo. Non, mais c'est mon avis, après. Oui, non. Il te dit que lui, il trouve ça différent. Bah voilà, mais de toute façon, Toff, c'est plus le même. Allô, ça dépend de sa langue aussi. Ils ont buté les deux. Voilà, c'est ça, c'est plus le même. C'est plus le même. Il y a souvent les mecs qui préfèrent avec la langue. Alors attendez. Tu dis que tu gagnes Claire ? Je disais que souvent les mecs ils préfèrent avec un piercing à la langue quoi. C'est... Bah écoute, je le croyais aussi avant d'avoir essayé et puis bah depuis que j'ai essayé en fait ça m'a pas plus voilà bof. Ouais. Bah tu as bouche à langue comme une limace aussi ça sert à rien. Non mais après oui je sais pas. Je sais pas, j'ai essayé avec une seule qui avait un piercing donc je peux pas te dire mais. Oui, mais bon, écoute, Anne-Claire. C'est un manque flagrant d'expérience. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Ouais, bah, a priori, c'est pas terrible. Avec le piercing. Tu dis, Eduardo ? Faut essayer à plusieurs sans pilule. Par contre, ça sert à rien. Les à plusieurs sans. Ah oui, sans. Sans Viagra. Sans Viagra. Ouais. Ouais, non, mais de ce côté-là, j'ai pas de problème. Attends une seconde, il y a aussi Mathieu qui est avec nous, là, de Marseille, de la Ciotat. Comment ça va, Marseille ? Comment ça va, Mathieu, à Marseille ? Ça va et toi ? Ça va bien et toi ? Allez, l'OM ! Eh ouais, ma foi, toujours. Hein. Eh bah, il faut bien, hein. Ma foi. Mais oui, ma foi. Bon, Mathieu, tu voulais parler des piercings, toi ? Yeah, faut pas qu'elle s'inquiète, hein. Moi, j'en ai plein, ça fait pas mal, donc qu'elle y aille sereine. Est-ce que t'as fait comme Toff, un piercing sur le gland ? Ah, jamais de la vie, quoi. Allô ? Mais tu devrais, hein, ça excite beaucoup les filles. Hein. Ouais, mais c'est parce que Toff, en fait, aussi, il est rouillé, il arrive plus à l'enlever. Non mais c'est vrai hein. Ouais le pas de vis est coincé. Le pas de vis est complètement rouillé en fait donc il si est vous pas êtes rouillé, arrête de rouillé. Dire ça. Mais si il est complètement rouillé. Allô. Oui qui me dit allô à chaque fois. Ah non c'est dans le son que je suis con. Allô. Je me fais miquer à mon propre jeu. Quel mongol. Bon donc du coup Mathieu t'en as où toi des piercings? Aux oreilles, à l'arcade, à la langue et au labré. Ah ouais, toi tu fais toi tu fais la totale toi. Et bah après, c'est quoi ça? C'est en bas de la lèvre. Ah. Et ça fait pas mal? Du tout. Mais au moment où tu perds, ça fait mal quand même. Non, non, même pas, tu sens rien. Ah ouais. Ah je pensais, tiens. Bon d'accord, ok. Attends, t'as y a pas aussi... dû manger de la purée pendant une semaine ou un truc comme ça? Ah la langue, ouais, c'est la langue c'est galère, mais bon après c'est bon quoi. C'est ah ouais, putain la langue c'est clair. Et à la langue ça fait pas trop mal au passage en même temps. Non non, ça va. Ah moi j'aurais pas eu les couilles de le faire. Hein. Il y a la bombe de froid, ils te mettent la bombe de froid donc ça va. Ouais bon enfin même après ça fait un mal de chien mais c'est comme je connais des filles elles l'ont fait à l'oreille aussi mais tu sais genre comment on appelle ça au-dessus là au cartilage. Ouais voilà c'est ça putain ça fait un mal de chien sur le moment même et ça fait mal après pendant plusieurs semaines tu sais tu peux pas dormir dessus tu peux pas trop toucher Non c'est oui c'est celui-là là. Ça, là où il y a le lobe, ouais. Non pas au-dessus du lobe. Ouais, celui-là il fait super mal. Ouais, il paraît, je sais pas. Attends, il y a aussi Alison qui est avec nous, là, 20 ans d'Épinal, là. Bonsoir Alison. Salut. Comment ça va Alison? Bah ça va et vous? Ben oui, très bien. Est-ce que tu as un piercing ou ça Alison toi? À la langue. Allô. Ah oh là là là là, combien mesures-tu Alison? 1m69. Oh là là là là là, combien pèses-tu Alison? Prends mon numéro Alison. Ah non, t'emballe pas, t'emballes combien pas. Tu Alison? Alison, ton poids? Oui, ah, 56. Allô. Quel est ton tour de poitrine, Alison? 95 C. Oh là là là là. Ils ont buté les deux. Oh là là là. Ils ont buté les deux. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté, Alison? 42. Oui, là pour le coup, oui. Hein. Bon, attends, il y a Isman aussi qui dit pour la pipe avec avec piercing, c'est que sa copine ne savait pas le faire. Ça fait un tel effet. Bah, apparemment, Stéphanie qui dit paraît que la langue ça peut faire mal aussi pendant les fellations. Et alors, oui. Viva la fiesta qui dit un piercing à la lèvre, c'est vachement mieux. Et Megumi qui dit bonsoir mes cochons, désolé pour le retard. Ma coloc s'est vautrée, cassé le bras, j'ai dû l'emmener aux urgences. Oh putain, quelle colère alors. Ah, elle avait rien d'autre à faire. Bah oui. Elle pouvait pas choisir un autre jour. En plus, ça a raté une putain d'émission. Elle a fait ses canulars de psycho tout à l'heure. Là, on le remettra dimanche du coup. Bon alors Alison. Oui. Bon alors du coup avant que Toff s'emballe, donc toi t'as un piercing à la langue et où ça d'autre? Et au labré. C'est ah oui le labré c'est en dessous de la lèvre. D'accord. Ouais. Et pourquoi comme ça ou? Ouais bah en fait la langue c'était plus un kiff en fait. C'était un pari avec ma meilleure amie. D'accord. Et le labré décalé ouais c'est pour le délire. D'accord. Bon elle a fait un pari aussi avec Toff pour le piercing mais lui il se l'est fait sur le gland. Oui. Mais... Et véridique hein. Mais oui mais. Moi je veux une preuve hein. Moi, je écoute, viens Alison, viens, tu peux. On nous mélangerons nos personnes. Non mais le truc c'est qu'on aurait bien mis la photo sur le Facebook, mais ils sont un petit peu. Ouais, alors. Ils sont casse-couilles avec ça. Hein. Oui, Facebook est un petit peu prude, hein. C'est-à-dire que comment ça fait deux fois qu'ils ferment le compte, et ils sont relous. Et ils m'ont dit si vous mettez encore un truc où les gens se plaignent ou alors un truc dégueulasse, on ferme le compte définitivement. C'est un poil. Moi j'ai dit. Allô. Évidemment. Ah, merde. Voilà, c'est ça. Donc du coup maintenant on fait attention quoi. Hein. C'est comme tout à l'heure j'ai mis la photo du chien de Ribéry. Les auditeurs c'est honteux, pauvre Ribéry, mais ils s'en branle de votre gueule Ribéry là, pendant qu'il est en train de gagner ses millions là. Non mais c'est vrai. Qui couche avec Zaya, il dépense 5000 euros pour voilà Zaya. Donc quand je voyais le pauvre, il a rien demandé. Ça, bah oui, pauvre. Alors ça va, c'est drôle. Il y a tellement de gens qui ont plus d'humour. Du coup j'ai dû l'enlever parce que s'il y en avait qui l'a signalé, du coup ça allait foutre la merde. Donc voilà. Rien, de quoi Eduardo? J'ai dit tout le monde le suce lui, mais vas-y, ce mec là, il s'en fout de tout le monde, il pense qu'à lui, son argent et tout. Ouais mais après voilà, il a raison dans l'absolu, tu vois, mais c'est juste que tu sais, ça m'a fait pitié quoi. Oh le pauvre, alors qu'il s'en bat les couilles. Moi je suis d'accord avec toi, faut mieux rigoler, faut profiter de la vie. Mais oui. Oui, exactement, comme Toffy rigole. Allô. Exactement. Il y a Gwenel qui dit c'est toujours un plaisir de vous écouter au taf là, j'ai adoré le canular. Ah bah merci Gwenel. Florent qui dit je peux avoir mon message de bienvenue s'il vous plaît. Oui Florent, avec grand plaisir. Allez, petit message de bienvenue. Ta gueule, connard. Oh bah ça faisait longtemps qu'on n'avait plus le Carolo, tiens. Et Flavien qui dit aussi vous croyez que à écouter Mickaël sur Fun Radio, ça passe comme excuse pour avoir pas fait ses devoirs? Écoute, essaye. Ouais, tu nous diras, mais je suis pas convaincu dans l'absolu. Hein, mais bon. Et donc Alison, est-ce que t'as un conseil à filer à. Oui Anne-Claire, tu dis Je voudrais savoir au bout de combien de temps ça cicatrise un piercing au nez, parce que ça me fait un peu chier en fait ça. Ah il faut un mois. Un mois. Putain c'est long quand même hein. Putain. Ouais mais c'est toujours long les piercings hein, pour avoir. Après ça dépend des personnes. Hein. Moi je sais qu'à la langue au bout d'une semaine j'étais cicatrisée. Hein. Ah bon non, ouais, Non mais écoute, pourquoi pas hein. Attends, il y en a plein qui voulaient réagir aussi par rapport au piercing. Mathieu et Eduardo, vous avez encore un truc à ajouter? Non, un spécial. Ouais, à part qu'Alison, elle a quelques petits problèmes, faut qu'elle vienne me voir. Et oh, l'autre, il est chaud comme la vraie. Non. Là, je crois que j'en ai un sur Skype, là, il est déjà pas trop content. Donc... Oh là là, pourquoi? Parce que t'as dit que t'allais venir tester la teuf de Toff? Voilà, c'est ça, ouais. Oh, c'est une petite bite, hein, c'est rien. Oui. C'est l'équivalent d'un cure-dent, quoi. Exactement. Exactement. Bon, ben merci. Moi, je te montre la qualité colombienne. Tout se passe bien, mon ami. Mais oui. Bon, Eduardo et Mathieu, merci à vous deux d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Je peux faire une petite dédicace, juste une dédicace. Allez, vas-y, Eduardo, à une personne. Vas-y. À une personne, mais je vais faire quelques amis en vite fait. Non. Non mais c'est bon, tranquille. Ah bah très bien, parfait. Bisous à vous, bonne soirée les gars. Bon, merci Eduardo, et reste là, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça, Sandro. Ciao. Salut, hey, reste au standard, Eduardo. Hein. Hein? Je te repasse Sandro, tu vas pouvoir la draguer là, et puis elle va te filer un pack fun. Oh, on ne passe rien là, tranquille. Salut Eduardo, à bientôt. Ciao. Mathieu, okay. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Oui, il faut bien qu'elle utilise son piercing à langue, faut pas qu'elle lui raille le casque non plus. T'inquiète pas pour ça, c'est très bien m'en servir. Ça va alors. Bon, ben, j'ai laissé le numéro ça, au standard, vous pouvez l'appeler. Ah, pour prévenir là de... Pour les strings, bah bien sûr, on va l'appeler. Ouais, on va... C'est un fou, donc vous allez vous rigoler. Ah, très bien, c'est qui? C'est un pote à toi ou c'est quoi? C'est un collègue à moi, un Marseillais-Corse. C'est mes préférés ceux-là. Un Marseillais-Corse, je pense qu'on va se marrer. Double dose d'insulte. Est-ce que je peux avoir un petit pack? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, Matt. Je voulais juste te dire merci pour tes conseils, c'est gentil. Ah bah c'est bien, non, merci, ça fait plaisir. Bah merci Mathieu. Alison et Anne-Claire, restez là. Il y aura aussi Alex dans un instant pour parler des ruptures, hein, des plus belles ou des pires ruptures. Il y aura Kevin et Dylan également dans quelques minutes. Et puis on va s'écouter. Il y a un truc que vous aimez là, Alison et Anne-Claire, en termes de son là pour l'instant? Ouais, moi j'ai demandé Timber hier, j'ai attendu je sais pas combien de temps. Hein. Tu veux quoi Alison? Timber, j'ai demandé hier. Tu m'as dit oui, ça te passerait. Ah, Pitbull. Ah merde, oui, c'est vrai, t'as raison, je me souviens. Ouais. Alors attends. J'aurais bien aimé Macklemore. Alors attendez. Timber, elle m'avait demandé depuis hier, c'est vrai, je m'en souviens. Faut-il encore que je tombe dessus? Alors attends. Allez, je cherche. Alors, ça va arriver. Du coup, Macklemore, je veux bien aussi. Oui, bah une seconde, il va arriver. Alors que je tombais sur un bon Justin Timberlake, What Goes Around, là, il aurait été bien sympa aussi, mais bon. Pas assez crème. Là, il est pas assez crème, ouais. Il est où cet enculé de Timber, là, et Pitbull? Eh, hey, Pitbull, fais pas le malin, t'as intérêt à te montrer, là, sinon je vais m'énerver. Attends, c'est quoi le titre encore, là, Timber? Putain, il est où, là? Où est-ce qu'il est? Putain, j'arrive plus à trouver. Alors, attendez. Je vais le trouver. Alors, attendez. Timber. On cherche en live, hein. Rassurez-vous, on est à la cool, hein. Ah oui, ça, pour être à la cool. On est plus qu'à la cool. Oh putain, il me sort Timberlake, tout le bordel. Oh, quelle machine de merde. Tu veux pas que j'appelle pendant que tu cherches? Non. Le numéro de Mathieu? Ah si, si tu veux, ouais, tu peux le faire. Ouais. Allez. Attends, vas-y, on appelle en direct. C'est Mathieu qui avait donné le numéro de téléphone. Il est où ce Timber? Oh merde. Putain, c'est quoi le titre encore de Timber? C'est Timber, c'est le titre. C'est allô Kisha. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle pour savoir si votre femme porte des strings. Mais ça te regarde? Bah oui, sinon je vous appellerai pas. Tu la connais, ma femme? Bah non. Bah et voilà. Je veux pas, il faut pas la connaître pour savoir si elle porte des strings. C'est qui au téléphone, là? Moi, c'est Toff. Qu'est-ce que tu veux? Bah savoir si ta femme porte des strings. Ouais, bah c'est ça. Et la tienne, elle fait quoi? Bah moi, j'ai pas de femme, donc forcément... Bah, c'est comme pour toi. Bah oui. Non, mais j'appelle surtout parce que c'est dangereux, en fait, les strings. Ah, merde, il a raccroché. Ah, il est déjà raccroché, ouais, donc il a pas été très patient. Bon, on le rappelle. J'ai trouvé, hein, Alison, c'est bon. Mmh. Mmh, c'est genre, c'est acquis. Il est là. Je suis, c'est pour ça. Ah oh bah bravo, Alison. Je crois qu'il y a un problème, là. Bah alors, pourquoi ça téléphone plus? Attends, on rappelle. Oui, voilà, vous êtes sous mon... Oh, merde, petit joueur. Une fois votre... Bon ben on en appellera d'autres tout à l'heure. Bah Mathieu, il était chaud pourtant, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas été dans le long terme, c'est dommage. Bon Alison, tu montes sur le cheval avec moi? Oh yeah! Allez, c'est parti. Le cheval maintenant est au taquet et on va s'écouter ce son qui fait très Texas. Alors, Rose Alison. Alison. Oui. Alors, oui. Tu l'as entendu ton pitbull et Kesha avec Timber? Ouais. Oui. Contente? Oui. Bon, oh là là, mais cette voix magnifique. Mais oui, on aura Global DJs après aussi. Puis il y a message qui dit sérieux, votre émission elle déchire, si seulement elle pouvait durer toute la nuit. Ah bah oui, mais bon, j'ai déjà plus de voix à une heure, donc vous expliquer. My League aussi qui dit on peut se faire un piercing sur les boules parce que les meufs de temps en temps font leur. Wow. Attends, c'est quoi? De temps en temps font sur leur chatte. Oui, mais c'est pas pareil, My League. C'est pas le même concept. Les boules, c'est pas la même chose. Youssef qui dit moi je suis rentré comme ça, j'ai pas eu de message de bienvenue. Bah si, Youssef, t'as un message de bienvenue là, regarde, je t'en mets un. Tiens, un très beau. Merde, j'ai fait de la merde, excusez-moi. Mais putain, va te faire enculer la fille de putain. Ouais, j'avais oublié ceux-là, tiens, quand on avait été en Asie. Il y a Souleli qui dit j'ai un piercing depuis 2005 au lobe de l'oreille gauche. Et alors, message de Denis qui dit ah, ils ont buté les deux, mort de rire, t'as fait une scène de South Park. Kenny. Et Hélène qui dit aussi, puis-je avoir un message de bienvenue s'il vous plaît pour Brigitte et Josiane? Bon bah oh là là, pour Brigitte et Josiane quoi. Oh mon dieu, quelle horreur. Alors attention, et c'est là qu'elles sont deux méga bonasses, Tof, et tu as bien con quand même. Hein. Alors attention. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon moi. Je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, tu m'entends? Bon, et avant de récupérer Alison, casser Alex, Anne-Claire, Kevin, Dylan et Steven, Dieu sait qu'il y a du monde. Eh bien on fait encore un petit appel Tof mais là, oui, pour mais oui. Prévenir les gens bien entendu que porter des strings peut être dangereux pour la santé. Oui. Donc on y va, on essaye de prévenir tout le monde depuis ce soir. Hein. On appelle, même si on se fait souvent mal recevoir. Mais c'est pas grave. On remet le couvert maintenant. Allez, 1h30 du mat, il est tard, c'est vrai. Mais. Oui. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Oui, voilà, oui. Je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme portait des strings. C'est qui au téléphone? Moi c'est Tof. Et tu peux te permettre quoi là? Bah je me permets rien, je demande juste si votre femme porte des strings. T'as pas besoin de savoir. Bah si, parce qu'en fait c'est très dangereux et donc du coup il faudrait qu'elle arrête. Ouais bah moi je vais t'arrêter autre chose là. Bah si. T'as intérêt d'oublier ce numéro là on va dire. Bah d'accord, mais enfin moi je vous appelle pour vous prévenir monsieur. Ouais ouais. Parce que c'est dangereux, hein, le risque des infections, des maladies. Ouais. Et t'as eu où ce numéro? Ce numéro là? Ouais. Bah on me l'a donné. Et qui est-ce qui te l'a donné le numéro? Bah quelqu'un qui voulait que je vous prévienne. Ouais, et qui est-ce qui veut qu'on vous prévienne? Bah ça je peux pas le dire monsieur, mais moi je vous préviens quoi. Bah moi je vais prévenir les flics en disant qu'on est harcelé au téléphone par des trous du cul. Bah, c'est attendez, je vous ai appelé qu'une fois monsieur. Tu crois que je vais faire ça avec ta femme? Tu vas faire quoi? Bah, attendez monsieur, moi je n'ai pas appelé votre femme, je vous ai posé la question à vous. Et je vous appelle pour vous prévenir parce qu'elle est en grand danger, elle risque des maladies, des infections. Ouais bien sûr. Mais oui monsieur. T'as pas d'heure pour appeler pour des trucs comme ça tu vois. Non il y a allez, pas. Tiens, oh, j'ai pas de temps à perdre avec toi et dégage. Oh dis donc quel malpoli. Ah oh, oui c'est vraiment. On rappelle. Non on va le rappeler. Allez c'est reparti, on remet le couvert là. Et merci pour tous les numéros hein, que vous avez envoyés sur toph@funradio.fr. Allô. Oui, je m'excuse, mais c'est pas gentil de le prendre comme ça, monsieur. Moi, je vous appelle pour essayer de vous mettre en garde, de sauver la vie de votre femme, et vous, ouais. Le prenez comme ça. Et t'es en train de me faire chier, tu sais, franchement, ouais, t'es en train de me faire chier, mais vraiment faire chier. Bah non, monsieur, moi, je vous appelle pour vous sauver la vie, enfin, surtout celle de votre femme. Parce que. Allez, arrête, tu commences à me casser les couilles, là. Bah, oh, t'es bon. Pas du tout, le string est très tu dangereux. Tu vas faire chier à notre mec, point mais, barre. Mais monsieur, arrête, c'est bon. Vous me remercierez plus tard de vous avoir appelé, de vous avoir prévenu. Oh bah oui, il va te remercier, mais plus tard alors. Bon, en attendant, on va récupérer Alex qui est avec nous là de Audenas. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon alors, raconte-nous, parce qu'on était tombé sur une info là. Enfin, c'est un psy américain qui détient la meilleure méthode pour quitter son copain ou sa copine. Et avant ça, je voulais vous demander si vous aviez vous aussi peut-être une méthode infaillible. Alors, c'est quoi toi? Alors moi je l'ai largué au téléphone déjà, donc le truc super classe. Ouais c'est pas mal, moi j'aime bien. De quoi? Je dis moi j'aime bien le téléphone, c'est pas mal. Ah ouais c'est vachement ouais, classe au téléphone, hein. C'est les mecs qui ont des couilles quoi, qui font ça au téléphone. Hein. Et par c'est SMS. Mieux qu'un SMS. C'est mieux mais enfin ça reste moins bien quand même, enfin ça reste pas terrible. Hein. Allô. Bon et donc il s'est passé quoi dans le SMS alors, t'as dit quoi? Et eh ben en gros je lui ai dit que ça pouvait plus continuer comme ça parce que commence à me casser les couilles. Parce qu'elle va toujours être derrière moi, ouais fais pas ci, fais pas ça, ça m'a saoulé. Et puis oui, mais c'est une meuf en même temps. De quoi? Non mais c'est pas, mais c'est pas méchant, c'est normal. Elle s'inquiète pour toi, elle veut savoir où t'es et tout, mais c'est beau. Moi j'aimerais bien. Non mais j'étais avec elle. Hein? J'étais avec elle. Mais oui, mais elle est là, elle s'inquiète pour toi, c'est normal, oh là là. Et puis le truc c'est que j'ai su la veille au parc, c'était ma cousine quoi. Quoi? Ah, mon Dieu. Attends, que ta meuf était ta cousine? Ouais. Mais cousine genre proche? Bah cousine assez proche, ouais. Bah mais je veux dire en gros c'était, est-ce que c'était la fille de ta tante ou de ton oncle? Ouais. Mais oh mon Dieu. Comment ça se fait que tu l'as su si tard? Bah parce que mon père et son frère ils se parlent plus et puis je l'ai su comme ça parce que on disait lancer le sujet quoi. Oh là là. Ça aussi tu devais, t'aurais dû jouer au loto hein, parce que t'as plus de chances de gagner l'auto que de que d'avoir ça, cette configuration là, t'imagines un peu quand même. Ah, ouais j'ai essayé mais ça n'a pas marché, j'ai rien gagné du tout donc. Ouais bah oui mais ça t'as déjà eu ta chance hein, t'es tombé. Tu peux pas l'avoir deux fois. Ah, t'aurais mieux fait de gagner de l'oseille mais bon qu'est-ce que tu veux. Mais tu t'en es pas douté, c'est un truc de dingue. Bah pas du tout non. On n'a pas le même nom de famille donc. Non mais après, d'accord mais par rapport à l'oncle, par rapport au. Oui mais c'est ça. Ouais. C'est pas une cousine lointaine. Ouais mais je le savais pas justement. Ouais bah on imagine bien que tu savais pas. Donc toi t'as fait la rupture par SMS, tout à fait. Attends on va prendre aussi Dylan. Oh attends, il y a Clem qui capte toujours pas là, Clem qu'on a eu il y a deux jours dans le standard, elle captait plus rien. Clem t'es là? Oui je suis là. Ça va? Pardon, de quoi? Je te demandais si tu allais bien. Oui, c'est fait bien, merci. Bon, très bien. Donc Clem qui, en fait, capte mal là où elle se trouve dans sa chambre et donc du coup, bah, on la met dans le standard pour qu'il capte mieux. Oui. Enfin, pour que tu entendes l'émission dans l'absolu, quoi, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Très bien. Bon, alors reste dans le standard, hein, Clem, hein, comme ça au moins, t'es tranquille. Il y a, oui, également, il y a également Dylan qui était là, de Sommières dans le Gard. Salut Dylan. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah écoute, plutôt bien là, ma voix se meurt minute après minute. Et oui, d'une minute à l'autre, Mickaël peut nous quitter. Mais bah je serai toujours là, mais peut-être muet quoi. Ce qui est évidemment vachement moins pratique quand tu fais de la radio. Hein. C'est, t'imagines, je tombe muet. Allô. Bon Dylan, alors toi tu voulais parler du piercing? Oui. Bon bah alors, très bien, attends on va reprendre Anne-Claire alors qui est avec nous. Clem, tu as déjà fait un piercing toi ou pas? Non, du tout. Non, jamais, d'accord, ok, très bien. Bon, alors Anne-Claire, qui avait appelé parce qu'elle va se faire percer demain, elle voulait quelques conseils, et nous avions donc Dylan qui voulait aussi réagir. T'as déjà fait un piercing, toi, Dylan? Ouais, j'en ai à l'arcade, j'ai deux boucles d'oreilles à l'oreille gauche et une boucle d'oreille, enfin, à l'oreille droite, quoi. Et alors, mal ou... Ah, merde, on a perdu Dylan. Bon, c'est pas grave, on va prendre Kevin. Kevin, t'es là de Sedan? Ouais, toujours là. Bon, très bien, dans les Ardennes, ouais. Kevin. Donc, toi, t'as déjà fait un piercing? Ouais, j'en ai plein, plusieurs même. Ah, où ça? Vas-y, explique. Énumère. Bah, arcade, 3 à la lèvre, 3 à la langue, 2 écarteurs et un au téton. Non. Ah oui, quand même. Attends, les écarteurs, c'est des trucs dans les oreilles? Ouais, c'est des trucs. Les gros... Ah, c'est horrible, on dirait des Oreos. Tu sais, les gâteaux. T'as pas eu trop mal? Et oui, ça fait pas mal, Kevin? Bah, lequel? Bah, tous. Ouais. En fait, faut pas que tu penses, quoi. Faut... Ouais, enfin, il faut pas que tu penses, mais quand le mec, il est là avec sa scie, avec sa perceuse, là... Le mec, il coupe la tête. Ouais, t'imagines, non, le mec, il arrive... ça fait pas mal. Non, ouais, non, bah, ça fait pas mal. Je stresse un peu pour demain, là. N'empêche, t'imagines, il arrive avec sa scie. Ne bougez pas. Oui, je m'occupe de vous. Ah bah, non, attendez, je vais agrandir le trou. Anne-Claire, approche-toi, je m'occupe de toi. Non, ça va aller. Ne t'inquiète pas, je suis un professionnel. On arrive à l'os. Ne bouge pas. Attends, je peaufine, là, je suis dans le détail. Attends, voilà. Parfait. Là, on est au top. Non, là, t'es très bien, là. Tu vois, t'es beaucoup plus belle comme ça, Anne-Claire. Ouais, bon, t'as une jambe plus courte que l'autre. Oui, mais... oui, c'est ça, t'es un peu plus courte, mais ça, c'est pas très grave. C'est pratique pour les trottoirs. Oui, oui, exactement, ouais. C'est très pratique. Bon, Kevin. Ouais. Bon, et donc, toi, du coup, pourquoi t'as fait autant de piercing? Bah, c'est un kiff. C'est le style. Ah oui, ça, de toute façon, il faut être fan hein, pour le faire. Hein. Mais t'as pas peur de t'accrocher sur un truc? Non, moi, ça me fait peur. Tu sais, t'accrocher sur une porte ou un truc comme ça, et ça t'arrache la moitié. Quelle horreur. Y'a que moi à penser. Ah ouais, là pour le coup, y'a que toi qui dois penser à ça. Moi, mais... j'ai eu une espèce de... Alors, je vous raconte un peu ma life, parce que j'adore ça. J'ai eu une dizaine de piercings sur la tête. Je sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez pas vu avec le... Avec les agrafes. Ah non, les agrafes, j'ai pas vu. En fait, il y avait des agrafes sur le crâne. Ouais, et parce ça qu'en fait, il est tombé d'une marche dans un escalier. Ah, il a fait un petit bobo. Non, non, non, c'était la guerre, monsieur. Oh, arrête en cinéma. C'était bon, c'était du paintball. Ouais. Et donc, j'avais une grande cicatrice et j'avais une... ça faisait comme des piercings, quoi. Et en fait, à chaque fois, j'avais peur de m'accrocher sur une branche ou un truc comme ça, tu vois. Ou un pigeon. Imagine un pigeon, il t'attrape. N'importe quoi, après tu pigeon, t'en il va arriver, mais n'importe mais quoi. Ça, tout peut arriver, mais tout. Ouais, c'est ça. Il y a Alexandre qui dit oh oui, fais-moi mal, donne-moi un gros coup de pelle. C'est Alexandre, bah écoute si tu veux. Hein. Avec plaisir. Il y a Kamel qui dit t'abuses, il n'y a pas mon message de bienvenue. Mais si, Kamel, mais je peux pas le mettre à tout le monde non plus, évidemment, sinon on fait que ça. Hein. Ta gueule, connard. Ah non, j'ai jamais su ça tout à l'heure, autant pour moi, excusez-moi. Enculé de ta mère. T'es. Voilà, et il y a Frédéric qui dit bonsoir les fous, vous êtes au top. Si vous cherchez une ville à visiter, tant qu'à faire, venez à La Réunion. Ah bah écoute, avec plaisir, Fred. C'est vrai qu'on cherche un endroit où aller faire l'émission en direct là, le 27 octobre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dimanche 27 octobre. Donc on sait pas encore trop, on n'a pas encore trop décidé, mais La Réunion ça peut être bien. Ouais, c'est pas mal. Et dire ouais. qu'on est diffusé à La Réunion, il est actuellement 3h42 du matin à La Réunion et on est là. On est diffusé avec l'eau sur la plage, tout ça. C'est beau. Et nous, on est ici. Il y a des surfeurs, des requins. Voilà. Bah, enfin, là, il est en pleine nuit. Hein. Il y a Saul Lily aussi qui dit ma meilleure amie, ma meilleure pire rupture. La meuf m'a dit que si elle me voit à son taf, elle me tue. Ah oui, c'est sympa. Gaël aussi qui dit pire rupture. Après avoir fait l'amour, elle me dit je t'aime et je lui ai dit que moi non. Ah ouais, ça c'est quand même très dur. Hein, enculé, ah ouais, Gaël, là, t'as pas assuré. La redescente de la meuf derrière. Ah ouais, et Logan qui est off, il est gay, non? Bah un peu, il est recto verso. Hein. Ouais, ça dépend des jours. Voilà. Ça dépend de mon humeur. Et il y a Mixel qui dit mettez le cri de Toff comment ringtone. Non, comment en ringtone. Ah, en sonnerie, d'accord, ok, je le veux bien pour mon réveil. Non mais, parce qu'il dit comment ringtone. Mais comment le mec peut vouloir se réveiller avec ça? C'est une horreur. Je le veux bien pour me réveiller, donc au moins c'est sûr que je me réveillerai. Ah ouais, ça c'est, ça, c'est une chose certaine. Et enfin Céline qui dit ils ont pété les deux. Eh oui, ils ont pété les deux, effectivement. Oui. On le remettra dimanche, le canular, rassurez-vous. Bon, du coup, Kevin, donc toi, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer à Anne-Claire? Bah franchement, quel ipon on se pose, ça sert à rien de baliser pour ça, c'est quand même... Ouais, de toute façon, voilà, tu vas y aller et puis tu verras bien. Bah voilà. Ouais, mais parce que mon piercing au nombril, comme je disais tout à l'heure, ça m'a pas fait stresser du tout, mais au nez, j'avoue que... Franchement, c'est plus le nombril que le nez qui me ferait stresser. Ça fait moins mal hein, le nez que le nombril. Hein. Il paraît, ouais. Bah pourtant, nombril. Ouais, mais le nombril, il disait de pas aller à la piscine au bout de deux semaines et j'y suis allée dès le lendemain, j'ai rien eu. Ah, je parle de la douleur. T'as eu de la chance, Anne-Claire, hein, parce que le but de pas aller dans la piscine, c'est pour pas qu'il y ait des infections. Ouais. Le nez, tu vas avoir une larme qui va couler de l'œil automatique. C'est comme quand on tire un poil de cul, c'est ça, Sandra? Voilà. C'est comme si on t'arrache un. Je me suis jamais. Ou qu'on, qu'on t'arrache non, ça un. Ça fait pas mal à cet endroit-là. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense. Ou quand on t'arrache un poil dans le pif. Ouais, c'est ça, t'as l'alarme. Ouais. T'as l'alarme qui. L'alarme à l'œil, effectivement, ouais. Bah, mais merci, Kevin. Pour le nez. Non, merci, Kevin. C'est possible de passer une dédicace. Allez, vas-y, il y a une personne là, vas-y. Je passe une dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront, c'est tout, voilà. Et bah voilà, et bah, écoute, très bien. Ouais, Kevin, tu vas repartir avec un pack, on va t'envoyer ça, je te renvoie chez Sandro. Ouais, c'est gentil. Salut Kevin. Ouais, bonne soirée, les gars. Salut. Ouais, c'est ça, ouais. Merci Dylan également, hein. Oui, mais Mickaël, je t'ai vu la DAFO. Tu m'as quoi? Je t'ai vu la DAFO à l'antenne. Oui, c'est possible, on parlait de quoi? Je t'avais passé ma page, j'étais toujours dans le défi. Quel défi? Didoudou, j'accepte les défis, là, je t'avais passé ma page tout, tu m'avais dit je te lancerai un défi. Non, t'as dit d'envoyer un mail parce qu'on l'a jamais trouvé ta page. Ah là, oui. Ah non mais il faut l'envoyer par mail parce que sur Facebook j'ai tellement de retard avec les messages que je suis noyé. En fait le problème si vous voulez avec Facebook c'est que il y a trop de messages qui arrivent. Résultat quand je suis avec l'application sur l'iPhone par exemple, tu sais quand j'ai 5 minutes du coup je réponds quand je suis au chiotte etc. Et le problème c'est que ça met tellement de temps à s'ouvrir et à s'envoyer que c'est une galère sans nom quoi. Donc il faudrait que je fasse le ménage, que je fasse un peu de place. Mais ouais, envoie-le moi par mail en fait, c'est mieux. Mickaël@funradio.fr. Y'a pas de soucis. Ça marche. Salut Dylan. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, je fais une dédicace à mon frère qui m'écoute et voilà, c'est tout. Très bien. Eh ben, merci, Dylan. Merci beaucoup, Dylan. Il y a Steven qu'on va prendre dans quelques instants. Alex et Claire, vous bougez pas. On va se mettre le son de Michael Moore. Oui, alors là, il est relou avec son Michael Moore. Attends, Michael Moore. Le dernier. Oui, voilà. I wanna be free. C'est bon ça? Oui, merci. C'est bon, allez, avec plaisir. Bon bah du coup je te le remets depuis le début. Alors, c'est parti. Allez hop, Mickaël No Limit sur Fun jusqu'à 2h. On est là, c'est sans pub avec le retour de Anne-Laure dans un instant. Anne-Claire, pardon. Anne-Claire, merci. Anne-Claire, excuse-moi. Et puis on va encore faire un ou deux appels avec Toff là pour prévenir les filles qu'il est dangereux de porter des strings. I wanna be free. I wanna just live. Voilà Michael Moore à l'instant et White Walls. Contente, oh, Anne-Claire. Merci, ah ouais, franchement merci. T'as pris ton pied? Ah ouais, j'ai kiffé. Bon, tant mieux alors, magnifique. Bon, alors il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Stéphanie qui dit à moi, je suis toujours des lingettes. Ah bah tant mieux hein, finalement, hein, c'est mieux, c'est plus propre. Lilou qui dit aussi, ah il a buté les deux. Ah ouais, c'était le canular qu'on a fait tout à l'heure avec Toff qui s'est pris pour un lecteur studio là. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Quel casso celui-là. Il y a Jean-Edouard aussi qui dit moi j'ai viré mon ex avec une lettre d'avocat et en même temps je l'ai viré de ma boîte qui lui expliquait qu'elle avait pas de recours. J'ai gagné au change et ma boîte aussi. On fait plus 25% de chiffre. Oh l'enfoiré. Enzo aussi qui dit Mickaël, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu la mob. Vous êtes trop bien. Bah si on l'a mis Enzo tout à l'heure la mob là. Je suis sur la route depuis quelques heures. Ça me passe grave le temps. Bisous à toute l'équipe. Et Indissociable qui dit ah ils ont tué les deux. Bah oui. Et le prince Tadia aussi qui a envoyé un message qui dit excellent canular de tout à l'heure. Et Aestetikarski. Ah et putain c'est compliqué comme Zolo là. Merci coach, après ma séance, on va tous au Burger King avec Toff. Ouais, parce que vous avez mis Toff en top tweet, en ouais. Toff paye son Burger King. Et comme demain on va à Prague avec Polo et Toff, et ben il est toujours en top tweet d'ailleurs. Hein. Et ben il paye son Burger King. Et apparemment, donc on avait eu il y avait une règle qui avait été modifiée. S'il est jusqu'à 2h en top tweet, il paye la bouffe tout le week-end. Paraît-il. Paraît-il, Polo, c'est pas ce que t'as vu, toi? C'est ce que j'ai vu, et ça a été retweeté, c'est sur Facebook. Voilà, ben, bah, mettez le... Ne remets pas en cause Facebook, toi. Voilà. Je ne remets rien en cause, je voulais juste un Burger King et ça sera tout. Je voulais juste demander aux auditeurs, dites-nous sur Twitter si vous aussi, vous avez entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai que Toff, si il restait en top tweet jusqu'à 2h du mat, payait sa bouffe tout le week-end où on va à Prague dès tout à l'heure, là. L'avion décolle dans 4h. Toff, t'es en top, méga top tweet. T'es en méga top tweet. Mais c'est vrai. Et Polo Payson Morito qui est revenu, il est deuxième. Et moi je suis quatrième avec Mickaël Perrien. Et du coup le Mickaël normal il est parti puisqu'il y a Mickaël Perrien donc forcément. Mais non c'est bien hein. C'est très bien. Et il y a Dissociable qui dit, tu savais qu'un appel masqué pouvait être démasqué? Ah bon? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Moi je ne savais pas, voilà. Et on est devant Jay-Z. Et on est devant Jay-Z. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez vous? Qu'est-ce que vous croyez? Bon. Allô. Ils ont buté les deux. Eh oui, bon, on fait encore quelques appels là pour prévenir les gens qu'il est dangereux de mettre un string. Mais oui, allons-y. Allez, c'est parti. Anne-Claire, Alex, vous restez là. Mickaël, j'aurais juste un truc à te demander en fait. Oui, Anne-Claire, demande-moi, que veux-tu? J'aurais voulu savoir s'il y en a qui connaissent des adresses sur Paris pour se faire percer, il y a des bonnes adresses. Parce je peux que, m'en occuper, moi. Ah oui, bah, bien écoute, sûr. Il y a le 20 rue Bayard. Viens ici, t'inquiète. On est prêts, nous. Moi, je te fais ça ce soir. Écoute, parce qu'on part à Prague, là, l'avion il décolle à 7h15, donc on a quelques heures devant nous. Tu viens, on s'occupe de toi, t'inquiète. Bon. Il peut y avoir une infection. Hein. Voilà, non, mais cela dit, si vous êtes effectivement sur Paris, ou en tout cas, vous connaissez un bon perceur sur Paris, transmettez les infos à Anne-Claire. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Anne-Claire, ne bouge pas. Alex, ne bouge pas. Alison, pareil. Et Steven, ne bouge pas non plus. T'es encore là, Steven de Quimper? Ouais. Bon, on passe vite, on a un petit coup de fil là pour que Toff prévienne les gens, hein, surtout de ne pas mettre de string car ça peut être dangereux pour la santé. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Normalement, on a reçu un message, apparemment il est encore debout la personne. Alors, c'est fou. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous portiez des strings. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme portait des strings. Wannick était mon fils de pute. Excusez-moi monsieur, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Parce qu'en fait, elle répond à la question « Est-ce que votre femme porte des strings ?» Normalement, on répond... Ta femme porte des strings, ta femme ? Non, elle a arrêté, monsieur. C'est très dangereux, en fait. C'est pour ça que je vous appelle. Elle va te faire voir, allez, va. Fille de pute. On va le rappeler, il avait l'air tellement gentil. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé ce petit fils de pute pour, pour clôturer. Conclure. Allez, on rappelle encore un petit coup. Oh putain. Allô ? Oui, monsieur, moi je vous appelle pour vous prévenir et vous le prenez comme ça, c'est pas très gentil. Fais-la appeler trois fois, comme ça je porte plainte et je sors ton numéro. Allô ? Oui. Fais-la appeler trois fois, je porte plainte et je sors ton numéro. Fais-la appeler une troisième fois. D'accord. Donc moi je vous appelais monsieur parce que votre... Ouais, laisse-moi voir là. Non mais je vous appelle parce que votre femme prend des risques, monsieur, à porter des strings. Bonne nuit, t'es mort. Verra, moi ta main, je la baisse si tu veux. Vous savez qu'un appel masqué même... peut être démasqué. Et même toi aussi, je te baise. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Mais pourquoi vous voulez me baiser, monsieur? Parce que tu es un PD. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah merde, il a raccroché. Ce qui est bien, c'est que t'as la meuf derrière qui invente les lois. Fais-le appeler trois fois comme ça, on porte plainte. Qu'est-ce que, du quoi tu parles? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et il y a Déglingo qui dit, j'espère que toi va pas passer ses vacances en Corse. Non, non. Non, là, il est plus le bienvenu, hein. Il est wanted en Corse. Oui, je suis trop connu là-bas. Oui, complètement. On va le rappeler encore un coup, il avait l'air tellement gentil. Hein. Allez hop, une dernière là avant de partir. Ouais, surtout qu'elle nous a promis trois appels. Oui, c'est vrai. Ça promet et puis on a rien. Bah c'est ça en fait. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Genre il s'en va. Bon, je crois qu'on l'a dans le cul hein. J'en ai peur. Oui. Allez, encore une sonnerie, puis après on ferme. Bienvenue sur oh la merde bande. Oh déception. Attends, totale. Attends, la meuf elle nous promet trois appels. Mais et oui. On en a deux. Oh putain, ça m'a déçu. Ah non, déçu. Enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, Steven qui nous appelait pour la rupture. Steven, 18 ans de Quimper. Alors dis-moi Steven, comment ça se passe toi? Quelle est la pire ou la meilleure rupture avant que je vous donne justement la méthode pour rompre selon ce psy américain justement? Salut, ça va? Bah ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, tranquille, ouais. C'est le mec, il a pas le temps là. Mais oui, c'est ça. Ouais, bon, tranquille. Explique Steven, ta pire ou ta meilleure rupture, je sais pas. Bah, ma pire rupture en fait, c'était que en fait. Attends, est-ce que t'as le kit main libre là? Non, il est dans une boîte en carton. Ah, t'es, bah, il faut t'acheter des meubles. Hein. Rien du tout. Ah oui, il faut mettre des meubles. Hein. Bon, alors vas-y, explique. On va essayer de comprendre. La pire rupture en fait pour moi, la pire c'était que en fait moi j'étais cash parce que les SMS c'est vraiment un truc de ringard. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais du coup, j'étais cash, j'étais là-bas. En fait, pour lui faire comprendre, je suis sorti avec sa sœur, en fait. T'es sorti avec sa sœur? Ah oui, t'es... Ouais, le lendemain, je suis sorti avec sa sœur, mais je suis tapé sa sœur. Ouais, non, t'as raison, les SMS, c'est ringard. Et en fait, Non. Pour lui faire comprendre que voilà, et que j'en avais rien à foutre. Parce que, ah, donc en fait, tu dis que t'as pas mis de SMS, donc tu l'as pas appelé ou pas de SMS, mais pour lui faire comprendre, au lieu de lui dire, tu t'es tapé sa sœur. J'étais direct chez elle. Pour lui faire comprendre que voilà, me casser les couilles et tout. Ouais. Et le lendemain, en fait, je me suis tapé sa soeur et tu voilà quoi. Ah ouais, ouais, non, là, mais t'as raison. Elle a compris quoi. Toi, t'es un vrai, toi. T'es un vrai mec, toi. Hein. Ouais, bah ouais. Parce que les SMS, je trouve ça. Enfin, ah oui, c'est ringard. Bah ouais. Hein, Anne Claire. Ouais, je suis totalement d'accord. En plus, j'ai mon ex qui m'écoute. Donc, il devrait savoir. Ah oui, et d'ailleurs t'avais un message à passer à ton ex, si mes souvenirs sont bons, non? ouais, enfin voilà. Bon, j'aimerais bien récupérer, mais ça il est au courant. Voilà, ah bon bah d'accord, ok, attends. Tu veux qu'on l'appelle? Oui. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Ça va, elle a peur. J'écoute. Attends, sinon nous on l'appelle, hein, nous on est là pour rabibocher. Bah va te faire enculer, connard. Voilà. Et bah pourquoi il revient avec toi? Encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Ah bah non, c'est plus ta meuf, merde, attends, excuse-moi. Vous vous faites chier. Oui, c'est vrai, effectivement. Votre grand-mère, elle suce des nains. Ça reste un des meilleurs celui-là quand même, enfin bon. Bon, bah Steven, merci à toi d'être passé pour ta réaction. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Hein. Ouais, je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, une personne. Ouais, je vais faire une dédicace à Yann Mapoule qui est en train de m'écouter. Voilà, c'est tout. Très bien. Eh ben merci à toi Steven. Oui, tu vas repartir avec un pack Fun, t'inquiète, on va te repasser le standard. Salut Steven, à bientôt, ciao. Encore un truc à ajouter Alex? Non. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée également, Alex, alors. Eh ben merci. Toi et aussi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut Alex. Alison, encore un truc à ajouter? Ouais, je peux faire une dédie. Quelle voix chaude. Allez, c'est bien parce que c'est toi. Hein. C'est une grosse dédie à mon chéri. Oh. Alors qu'il est avec une autre meuf actuellement. Bah ouais. en train de se faire pomper le dard. Ouais, il est sur Skype avec toi pendant qu'il est en train de se faire pomper par une autre meuf. Et ça, c'est beau. Et tu ne vois pas sous l'écran. Et toi, tu ne vois rien. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Moi, je trouve ça beau. Là. Je trouve ça c'est très bien. C'est pas grave, j'irai avec Teuf. Oh. Ah, bah, je suis toujours disponible. Quelle horreur, t'as vraiment mauvais goût. Hein. Ouais. Quelle horreur, quelle horreur. J'ai un petit souci, je suis passée à l'antenne le 8. Ah allô. Oui. J'ai fait la fameuse gaffe du pactof. T'as fait quoi? Le pactof. Ah, le pactof, ouais, tout à fait, ouais. Et j'ai parti mon pack fun au final. Ah ben oui, mais c'est parce que tu vas... Le fameux pactof avec des morceaux de peau, des crottes voilà, de lait et tout, on exactement, le pactof. On va faire ça dès demain. On va te l'envoyer, t'inquiète pas. Ben écoute, je te repasse les deux standards, on va prendre tes coordonnées alors. Allô, ah, pas de problème, gros bisous Alison, à bientôt, bisous. Je t'embrasse. Salut, ciao. Et donc, le meilleur plan apparemment, Anne-Claire, tu me diras si on se trompe, enfin si on se trompe, si le psy américain se trompe, et donc le meilleur plan pour la rupture, eh bien c'est tout simple, il suffit de ne pas donner de nouvelles. Au bout de quelques jours, l'autre aura compris et passera à autre chose. Et donc, ouais. Donc enfin, voilà. Enfin bon, c'est très très lâche quand même. Ouais, mais à côté de ça, si je puis me permettre, j'avais eu l'idée bien avant ce psy, ouais. Puisque j'ai déjà eu l'occasion de tester, c'était avec ma première meuf quand j'avais 16 ou 17 balais, je sais plus. Effectivement, on était ensemble, on est parti en vacances, moi je suis parti chez moi au Portugal, elle est partie avec ses parents, je sais plus où. Et en fait, quand on est revenu, on s'est appelé, on dit alors t'as été les vacances, ouais, machin, j'étais là, c'était cool, bah écoute, faudra qu'on se revoie, ouais, pas de problème, on se rappelle. Et on s'est plus jamais rappelé. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien cette technique. Bah c'est ce que tu fais tout le temps, Teuf. Voilà. Fais oublier. Voilà. Et pas de galère, pas de pleurs, tranquille. Pas de problème, quoi. Non, moi j'aime bien cette technique. Vraiment, c'était cool. C'était vraiment cool. Bon, Anne-Claire, ouais. Tu restes encore avec nous le temps qu'on appelle encore un petit dernier là. Ouais, comme mais ça. Attends, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des réactions pour où est-ce qu'elle est sur Paris? Écoute, je sais pas, je vais voir au standard, mais on te les donnera. Si jamais il y a eu quelque chose au standard, on te donnera les adresses là pour pas faire chez tout le monde avec toutes les coordonnées. Oui, bah, c'est sûr. Bah oui. Bon, alors on fait encore un petit appel avec toi. T'es prêt là, un petit dernier? Moi je suis toujours prêt. Allez, bah bouge pas Anne-Claire. Allez, c'est parti, on y retourne. Petit dernier de la soirée là, avant de partir. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous portiez des strings. T'as fait enculer là. Pourquoi vous voulez que j'aille me faire enculer madame? Je vois pas le rapport. Mais vous appelez chez les gens et vous êtes déplacé comme ça, que ça vous arrive à cette heure-ci en plus? Mais je suis pas déplacé madame, je vous demande juste si vous portez des strings. Et que tu ailles te faire enculer, c'est bon pour toi ou pas? Bah moi j'aime bien, mais après c'est pas pour ça que je vous appelais. Et donc pourquoi tu demandes ça? Bah pour savoir en fait si vous en portez, parce qu'en fait c'est très dangereux madame de porter des strings. Allez, va te faire enculer, hein, et on va s'arrêter là, hein. Allez, bonne soirée. Allez, va te faire enculer. Allez, parti. Bon, et ben voilà, Anne-Claire, hein, tu auras vécu donc le dernier appel de la semaine. Anne-Claire, je te repasse le standard en tout cas. Ben, bon courage avec le piercing. Fais des photos hein, et envoie-les-nous hein, si tu veux. Ouais, y a pas de soucis. Bon, ben je compte sur toi, c'est cool. Quoi, tu te dédicaces? Allez, vas-y. Bah, à Thomas, qui est en train de m'écouter. Oh, celui qui t'a envoyé chier. C'est dingue que les meufs, il faut toujours qu'elles s'accrochent aux connards. Ouais, elles adorent ça. Non, mais bon. Mais alors, c'est dingue. Alors c'est que dingue. Je suis totalement disponible. Non, mais totalement. Gros des connards, arrête ton cinéma. Il est fou. Non, mais c'est vrai. Il est complètement fou. Bon, allez, Anne-Claire, je te fais des bisous. Tu peux avoir un pack fun aussi? Ouais, tu vas gérer ça au standard. Je te le passe, je te repasse Sandro. Salut, merci pour les conseils. C'est vachement plus sympa. Avec plaisir, je t'embrasse, Anne-Claire. À bientôt. Salut. Bon, alors, Top Twitos, est-ce que le Top Twitos est prêt? Dans 40%. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Bon, ça y est, c'est fait. Ah non, là, il reste 15%. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, et il y a Stéphanie qui dit c'est lâche de pas donner de news là. Moi j'ai essayé, ouais. Il a pas compris. Bah oui, c'est peut-être lâche, c'est vrai. Et alors Viva la Fiesta qui dit je confirme, Toff paye son burger tout le week-end. Ouais. Ah, t'as vu? Non, bah ils peuvent confirmer ce qu'ils c'est veulent. Sur Twitter. Tu peux c'est pas sur faire Twitter. Ça, allô. Ouais. Mais moi, il y a mon portefeuille, en fait, il a dit non. Arrête, tu peux pas, c'est la loi. Vous vous souvenez de la pub avec la trappe-souris dans le portefeuille? Ouais. Bah pareil. Non, ouais, mais la loi. Moi, je connais bien ça. Allô. Ils ont buté les deux. Bon, alors, Top Twitos, les résultats. Numéro 5, ceux qui ont été les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Alors, ce soir, il y a eu le hashtag et Mickaël. Bon, on va prendre que le hashtag et Mickaël. Oui. Hein, mais il y a aussi eu le hashtag Toff paye son Burger King, ouais. Et Polo paye son Morito et le hashtag et Mickaël paye rien. Ouais, qui était vachement, c'était le plus beau. Ouais, hein, c'était le meilleur. On a squatté le top. Ah, on a squatté le top. Devant Jay-Z. Et oui, et d'ailleurs, on a enculé Jay-Z pour le coup. Hein. On l'a mis sa race, Jay-Z. Ouais, c'est le malin là. Mais il paraît qu'il nous attend à la sortie. Ouais, alors. Jay-Z d'ailleurs, c'est Toff qui vient de dire qu'il était vendu. Merde. Exactement. Bon, alors numéro 5. Alors, Alexis Mekeri. Alexis Mekeri. Ah, d'accord. C'est un nouveau ça. C'est un nouveau ça. Hein. Oui. Ensuite... Non. Allô. Ils ont buté les deux. Bon, numéro 4. Ensuite, Fafa 44260. Allô. Ils ont buté les deux. C'est un nouveau ça aussi. Enfin, une nouvelle, il me semble, je crois que j'ai déjà vu passer une fois. Ah bon, bon alors, numéro 3. Sheva GTR. Allô. Ensuite, Morgane 80 vitesses. Allô. Et comme d'habitude, Let's Be Free. Évidemment. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Putain, mais quand le tue, on dirait une vieille poule qui s'énerve. C'est un truc de dingue, ça, quand même. J'adore c'est ouf. Ce son. C'est ouf. Je pourrais l'écouter en boucle. Ouais, moi aussi, indissociable qui dit aussi c'est celui-là, celui-là, il est ouf. Le ah, ils ont buté les deux, etc. Bah oui, évidemment. Et alors, Hélène qui dit Mickaël, tu peux passer ma dédie pour mon pote qui a eu sa licence, s'il te plaît. Wesh, wesh, my Google. Bah voilà, le message est passé. Et Marie qui dit je crois qu'il y a que vous pour me remonter le moral. Bah écoute, le principal, c'est qu'au moins, il y a une personne, Marie. Et Nicolas qui dit nouveau sur Twitter, connais pas trop, mais pour participer à l'émission, je me suis inscrit. Ah, mais c'est gentil, Nico, bienvenue à toi. Bah, tu vois, finalement, ça marche. Et en plus, on a lu le message. Et alors, Let's Be Free qui dit miaou, Toff est chaud et moi, je suis chaude. C'est parfait, on baise. Bien sûr. Eh ben bah, voilà, impeccable. Bon, ben bah, Clem, on va te saluer dans le standard. Hein. Ouais. Je te fais des gros bisous. Passe un bon week-end. Bisous. Ça marche, merci. Salut Clem, à bientôt. Ciao. Ciao. Et puis avant de se quitter, puisque je vous rappelle que mon jet privé est déjà prêt à l'aéroport. C'est vrai. Voilà, il arrive là, il se passe qu'il va atterrir là. Et donc avant de partir à Prague ce week-end hein, où Polo va me payer le Morito, Toff va me payer le Burger King et moi je ne paierai rien. Ouais. C'est vous qui l'avez décidé sur le. Ouais, enfin, tu les as un peu orientés. Hein. Ouais, enfin, c'est-à-dire que pour l'instant c'est moi qui ai payé les billets d'avion et l'hôtel. Donc bon, il y a un moment finalement c'est moi qui me fais en plus, le plus enfumé dans l'affaire. Mais non, mais non. Mais oui, oui, oui, ah, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, générique de fin. 3, 2, 1, let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Je te laisse chanter là, je peux plus le voir. Je te suis pas l'enculé. Allô, tu leur ton long, ton long. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir, tu as mangé, tu as bu ton enculé toute la journée. Allô, ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Non mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce d'enculé. Ils adorent. Que veux-tu? Ils sont canadiens. T'as mis au mot, t'as calculé sous ton front comme ça. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Allô? Je vais faire toi l'enculé. Tu fous des vis, toi je te suis toi l'enculé. T'as le ça fait enculé. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. Allô? Enculé. Enculé. Bon ben merci à vous en tout cas d'avoir été là ce soir. Merci à vous d'avoir joué le délire là sur le Twitter avec tous les hashtags à la con qu'on a mis ce soir. Et où on a terminé d'ailleurs au top évidemment. Steven qui dit petit passage en direct sur Fun, juste énorme. Merci à toute l'équipe. Un petit retweet. Allez vas-y, je t'en mets un petit là en live, direct live. Nicolas aussi qui dit il n'y a pas tortier, vous êtes les fous. Merci Nico. Il y a Alexis qui dit je n'arrive pas à vous envoyer un message pour vous passer un numéro. Bah fais-le sur le mail Alexis, toph@funradio.fr. C'est le mail de Toff. Il y a Denis qui dit à dimanche tous, je vous raconterai avec Zora, portez-vous bien. Je pense à vous, plein de bonnes choses. Bah t'inquiète pas, on va bien se porter là à Prague, il n'y a pas de problème. Et Lilou qui dit mon pack Toff a fait fureur une fois de plus. Effectivement Lilou. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'avoir été au taquet. Et il y a Samia qui a envoyé un truc sur le Twitter. Anne-Claire pour le American Body Art Shop, un truc sur Paris apparemment. Mais merci beaucoup Samia. Donc Anne-Claire va voir sur le Twitter. C'est Samia.b qui avait envoyé le message alias Mini Viva. Voilà, comme ça tu sais, j'espère que tu as tout noté. Sinon tu nous rappelles au standard, on te donnera toutes les coordonnées avec grand plaisir. Et puis Samia aussi d'ailleurs qui dit merci pour ce soir. À très vite et bon week-end à Prague. Bah oui, normalement ça devrait bien se passer. Hein. En théorie, on a fait chier aucun tchèque. Pas récemment. Bon, alors normalement. T'as pas fait de conneries là-bas? Alors, un normalement. Tchèque envoie par exemple à la banque. Ah si, ça, il en a eu quelques-uns, je pense, hein, putain. C'est beau. C'est digne de JB, je pense. Ouais, c'est... On sent que JB est arrivé. Ah oui, effectivement. Bon, ben, passez une bonne nuit en tout cas. Demain, alors pour ceux qui. Parce qu'on sait jamais, hein, si jamais il y a des gens qui bossent à l'aéroport, demain on sera à Charles de Gaulle. Non mais sérieux, non mais qu'on se voit, qu'on dise bonjour. Hein. Non mais je m'en fous, je vais pas pleurer pour être upgradé, on a un vol qui fait 1h30 donc si tu veux je pas très grave. C'est pas comme s'il y avait un upgrade dedans quoi. Si je pense qu'on peut, mais bon après peu importe. Non mais voilà qu'on boit un café au frais de toffe quoi. Ouais. Hein, si vous êtes des auditeurs, vous êtes à Charles de Gaulle demain matin, alors je sais plus quel terminal, mais on vole avec Czech Airlines, voilà. Je suis pas sûr qu'on revienne. Enfin déjà je suis pas sûr qu'on y arrive, mais bon on verra. Donc voilà. Toff paye son café voilà. Et sa tartine. Voilà, des fois qu'il y en a qui sont en train de bosser à Charles de Gaulle demain, on sera là. Et puisqu'on part à Prague. Vous suivrez tout le bordel demain évidemment en direct sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Et bah voilà, hein, tout simplement. Rendez-vous. Merci en tout cas pour tous vos messages sur le Twitter. Merci rien. À vous tous sur le Facebook, sur Instagram également. Grâce à vous, Toff paiera son Burger King. Et grâce à vous également, Toff paiera Polo paiera son Morito. Très bien. Bonne nuit tout le monde. Et Rancard en pleine forme dimanche des 20h. Pardon, je vais y arriver moi. Merci. 23h, 2h. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis c'est vrai, j'avais presque oublié, mais comme Polo il avait fait une vanne de merde, j'avais presque oublié de faire la transition avec JB. Bah oui. Non, j'ai adoré ta vanne. Ah ouais, ça m'étonne pas, tiens. C'est contrairement à t'étonner, tiens. Effectivement, c'est bizarre. Hey, JB m'a fait un signe, il m'a dit, je suis mort, j'ai envie de dormir. Oh, bah, bravo c'est... JB. Ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal pour la nuit, hein. Ah non, mais bon, bref. Oui. Tu veux que je te laisse le bruitage? Et t'es pas chiche, Paris, de le mettre à chaque transition de disque. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. On appelle Jérôme et on lui demande là maintenant. T'es pas chiche de la bête à 2h du matin. Vas-y. J'ai pas son numéro. Vas-y. Quel mytho. Allez, t'as vu ouais. Tu n'as et pas les colonnes. Non mais. La rose, la ville rose. On le met la semaine prochaine, on verra. On en reparle. Ouais. C'est en ça, c'est ça. Allô. Allô. Allô. Allô. Ah, c'est dommage que tu ne mettes pas. Ouais, on en reparle. On en reparle, ouais. Et Bruno, il l'aurait fait. Bon, non. Voilà, parce que Bruno, c'est. Fouf, tu vois. Et Jérôme, et JB, s'il avait été animateur radio, il l'aurait fait aussi. Il l'aurait fait, parce que Jérôme, c'est Jérôme. Voilà. Oui, mais on en reparle en janvier. Jérôme, il aurait dit, Jérôme, le boss de la radio, s'il avait été animateur, il aurait dit, moi j'emmerde le boss, moi qu'est-ce qu'il y a? Et moi, c'est quoi le problème? Moi je fais ce que je veux ici. Et moi je suis carré. T'es carré là? Bah non, je comprends pas. Allô? Ils ont buté les deux! C'est vrai. Ils ont buté les deux! On dit voilà. Plutôt, je suis Maria. Carré. Voilà. Attends, je suis obligée d'allumer mon micro pour rigoler parce qu'il est tout seul. Non, c'était drôle, moi j'ai bien aimé JB. Merci Polo. Il a aimé le check, j'ai aimé la. Ouais. Merci. Ouais. Maria Carré. Vous êtes compris quoi. Ouais. Je vous ai compris. C'est ça. C'est le principal. Bon, on va t'écouter toute la nuit parce qu'on va rester à la radio. Parce que là, l'avion il décolle à 7h, donc c'est on va pas dormir. Hein. Ah bon, bah voilà. Viens faire le cri en live. Alors ça je veux bien. Moi je m'en fous. Mais à chaque speak je viens et je te le fais derrière. Non, non, t'en fais si, pas si, non si, plus. Si, on va le faire. On va le faire. On va te pourrir ton émission. Alors restez bien à l'écoute de JB cette nuit là, on va lui démonter son émission là. Alors moi je peux pas crier parce que là j'ai déjà plus de voix oui, mais voilà, allez dormir c'est important. Mais Toff, bah non on va pas dormir, ça sert à rien. On va être au bout du couloir là. Exactement. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, allez bonne nuit tout le monde, on se quitte avec quoi? Avec ce que tu veux. Me dis pas ça, tu sais bien que. Bon, qu'est-ce que tu veux? On peut commencer avec un petit Daft Punk One More Time. Ah, pourquoi pas? Alors, mets pas le. Mais tu l'as là, si tu mets. Non, mais j'ai compris, me prends pas pour un mongolien. Il y a Dobbs, je l'ai mis tout à l'heure, hein, Dobbs, hein, tu peux le zapper. Hein. Je l'ai mis il y a une demi-heure. D'accord, bon, voilà. On le remettra, c'est pas grave. Bah, on va pas le remettre, on l'a mis il y a une demi-heure. Non, parce que c'est pas de la Dobbs. Oh putain. Allez. Mec, deux par soir t'as pas le droit. Ah ouais, deux par. Et trois déjà, on en est à trois là. On en est à trois là, sans déconner. Allô. Ils ont buté les deux. Ah là c'est surtout la vanne qu'ils ont buté. Ils ont buté les deux. Ah ouais. Bon, de toute façon j'annonce depuis tout à l'heure on va mettre Global DJ ça. D'accord. Voilà, avec Kids. Allez. Ça me paraît pas mal. Puis il y aura Daft Punk aussi avec One More Time. Katy Perry à suivre. Sauf si JB change la prog hein. Non, ça, j'en son c'est un rebelle. Lucas, si tu écoutes, il va tout changer cette nuit, c'est un sale con. Lucas, je t'aime. Et t'as bouffé l'intro, bah on l'a refait maintenant. Oh là là, moi j'en connais qui vont retourner à l'école. Hein, hein. À l'école. Ouais. Non. Ouais, si, si. Bon, allez, nuit sans pub, c'est parti. Merci, Mickaël. À dimanche. Lucas, très bon choix. Jérôme, très bon choix. Voici Global DJs. Ta gueule, connard.